We're going to make a change. Alex is going to be the starter. I just don't like the way we've been trending, the inconsistency of our team. And I've got great respect for who Kemba is as a person, number one, and all that he's accomplished in this league. We got to do something different. It's a tough decision to make. Uptown got her, the Bronx got her, Queens got her, Staten now got her, you niggas got her, you bitches got her, everybody. One and then the two and two, two and then the three, three, three and then the four, four. Then you got her, then you got her, then you got her. Breathe. Et parce qu'il ne faut jamais perdre espoir. Amis d'Enix, bonjour ou bonsoir. C'est avec un énorme plaisir qu'on se retrouve pour ce 17e volet de notre podcast The Knicks épisode. C'est toujours un plaisir parce que ça faisait un petit moment là qu'on s'était pas retrouvé autour du micro. Et donc là ce soir, avec nous, nous avons Julien. Salut Julien. Salut les gars. Johanny, salut à toi. Salut, bonne année à tout le monde. Et un invité. On a le plaisir de recevoir Alex avec nous. Alex, comment vas-tu ? Bonsoir, bonsoir à tous. Ça va et vous, messieurs ? Bonne année, bonne santé. Merci beaucoup, Alex. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir pour cet épisode. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux un petit peu te présenter auprès de notre communauté ? Déjà, en préambule, c'est un membre d'Ending Station France depuis le début, on peut le dire. Depuis le premier event avec Julien, que j'embrasse, Daniel, tutti quanti, comme on dit. Ouais, présent à tous les events, sauf Londres. Toujours un plaisir de partager avec vous une passion pour les Knicks, comme chacun des membres quasiment de la KNF. Et justement, redis-nous, peut-être t'es tombé dedans, à quelle occasion Et moi, c'était l'arrivée de Amari Stoudemire, monsieur. Ah, le Stoud. Ouais, c'était mon joueur préféré, et du coup, il est tombé à NI, et là, ça a commencé à bien tourner, et c'est là que je me suis dit, écoute, tu vas devenir un Knicks fan, parce qu'en plus, c'était à l'époque où avant, j'étais fan des Celtics. Et il y avait cette super team qui s'était montée, et donc, vu que je déteste les super teams, depuis très longtemps, ce qui m'a amené à créer la NBA avec un H. Voilà, on en reparlera tout de suite après, si vous le permettez. Mais du coup, je suis passé sous pavillon Knicks et puis les couleurs, la ville, l'histoire, clairement, avec cette grinta défensive qu'on aime tous, ce caractère. Je les suis depuis 2011. Juste avant qu'on fasse une super team avec Melo, Chandler et compagnie. Et alors c'est ça qui m'a saoulé en fait, parce que je quitte une super team pour une autre finalement, et qui ne marche pas, parce que les Celtics ça avait marché à peu près, mais pas les Knicks et Melo. Et depuis je suis quand même, parce que je suis pas non plus un retourneur de veste, très déçu, et depuis on l'a tous vécu ces années pitoyables. Un peu compliqué. Avec Lance Thomas, tout ça. Oh là là, Ron Baker. Ignace Brazdeikis. Oh, je te permets pas. Ça commence déjà sous la ceinture. C'est les hauts et les bas des Knicks fans quand on suit les Knicks. Il y a des bonnes saisons et il y a des saisons plus compliquées. Les bonnes saisons, elles sont plus rares, malheureusement. Ouais. Et donc, du coup, Alex, on t'a vu présent dans tous nos événements, très impliqué dans la communauté Knicks Nation France. Et puis, depuis maintenant, combien de temps que tu as lancé là ton nouveau média? Est-ce que tu peux nous raconter un peu tout ça là? Ouais, bientôt 2 ans que la NBA avec un H existe. Non, le principe il est simple, c'est juste on regarde la ligue d'un autre œil, c'est-à-dire pas à travers ce pseudo message mainstream. Donc nous on va plus regarder les petites équipes, on va plus clasher avec humour les grandes équipes, les pseudo grands joueurs type LeBron, les trucs comme ça. Et on essaye d'apporter une différence plus ou moins drôle. Après ça touche les gens ou pas, mais on essaye de faire des choses très visuelles sur Instagram, et puis on essaye de faire aussi des émissions décalées sur l'actualité, des quiz, et on essaye aussi de faire des events, parce que le réel c'est ça qui est bon, ça qui est beau, mais il y a le Covid. Ah oui, Oui, ça, c'est ce qui freine un peu les choses. Bon, ouais, même c'est si c'est NBA avec un H comme la N, comme vous n'êtes pas que des haters, la preuve, vous faites des événements c'est en physique, ça. Donc ça ouais. reste qu'un jeu, que d'une passion et que de l'amour finalement. C'est pas de la haine. On se rattrape comme ça. C'est, on essaye de rattraper notre nom douteux, tout simplement. Et voilà, c'est des réseaux. Enfin, vous êtes présent sur Instagram, c'est ça, sur ouais, Twitch Twitter aussi, mais plus partiellement, et Twitch, ouais, effectivement. Ouais. On a une émission hebdo chaque vendredi soir où on fait le pire de la semaine avec notre œil à nous, et puis bon, on passe un bon moment, on essaie de faire passer des bons moments aux gens de ce côté-là, quoi. Parce qu'il y a très peu d'humour hein, dans le sport, et surtout dans la NBA et dans le basket, ouais. je trouve. Les gens prennent donc, ça beaucoup au sérieux, et voilà, ça reste un sport, ça reste un jeu, et il y a des belles choses, il y a des choses qui nous font kiffer, des choses qui passent un peu plus inaperçues, des choses qui sont un petit peu plus critiquables, et vous avez ce regard un petit peu décalé sur ce dont on ne parle pas forcément tout le temps au niveau de la grande ligue, en fait. C'est ça, c'est clairement ça. Mais voilà, après, vous m'avez beaucoup inspiré, messieurs, parce que oui, la KNF fait partie de ça. Non, mais c'est vrai, vous avez été les pionniers au niveau de l'association, justement. Créer des events, bah voilà, c'est quelque chose d'assez fou. Bah, vous avez été les pionniers et les premiers, hein. Donc, moi, j'ai participé à tous, donc j'ai énormément appris, j'ai énormément vu, j'ai énormément pris de plaisir avec vous, messieurs. Que ce soit sur les viewing, les one ball, les hoops et bah, New York. Quatre trips, ouais. Bien évidemment. Tous, je les ai tous cochés. Donc, et puis quel plaisir de rencontrer la commu. Et puis effectivement, toi, t'es un des premiers, des tout premiers membres actifs de l'association. Donc, c'était un plaisir partagé. J'espère qu'on va passer ce bon moment où on va parler d'Enix au travers d'un podcast. Alors, on n'aura pas forcément les mêmes avis. Mais justement, tu vas nous amener un petit peu matière à débattre sur les sujets du jour et ça va être cool. Bon, bah en tout cas, quoi qu'il arrive, on soutient la NBA avec un H. Hein, donc, on est très actifs aussi sur on essaie d'interagir un maximum avec cette communauté de pages, de comptes, on va de dire fans. De comptes français divers et variés, ouais. Voilà, exactement. Franchement, on se marre bien et les lives sont toujours des petites pépites, voilà. Donc, les gars, maintenant, on va parler un petit peu concret, on va parler Actunix, on est là pour ça. Dans un premier temps quand même, il faut se remettre un petit peu le contexte en tête au moment où on enregistre. Donc, il faut. Ah, c'est important les gars, là on va parler concret. Donc actuellement, là, les Nix sont à 18 victoires et 20 défaites, dans un sacré ventre mou, voire le bas de tableau hein, de la conférence S, donc à la bagarre à la 10e place avec Boston, qui a exactement le même bilan. Boston dans le programme qu'on doit rencontrer à deux reprises là. Cette fin de semaine, donc effectivement, quand le podcast sera publié, les deux matchs normalement seront passés. On n'aura pas encore le recul de ces deux matchs, mais c'est on ça. A déjà pas mal d'éléments en recul pour essayer d'évaluer, d'estimer le début de saison. Hein. Déjà, on peut donner une petite dynamique sur les 10 derniers matchs. Donc les Knicks sont à 6 victoires et 4 défaites. Ça peut vous poser un peu le décor. Et monsieur, moi déjà, dans un premier temps, c'est de faire un petit tour de table déjà sur vos ressentis là, sur cette saison, enfin du moins sur l'état du bilan des Knicks. Après, on va faire des focus, bien évidemment, sur des cas particuliers. Ça, c'est toujours l'instant croustillant. Et ensuite, après, bah, s'ouvrir un peu sur les perspectives, en fait. Voir un peu bah, ce qu'on attend, chacun d'entre nous. Donc, voilà un peu le programme. Déjà, pour revenir sur le premier point, messieurs, vos ressentis, là, en quelques mots, sur le bilan d'Enix. Bon, on va commencer par Juju, on t'a pas encore entendu. Julien, alors, bah voilà, donc on disait 18 victoires, 20 défaites, 10e position à égalité avec Boston. Ah, et ton petit point de vue, de manière générale, là, sur comment tu ressens l'équipe d'Enix. Déception pour l'instant, c'est le mot. Sort d'une saison, on était allé, on a fini quatrième, on va en playoff. Forcément, déception. Alors oui, beaucoup de circonstances, le Covid, tout ça. Mais toutes les équipes sont impactées par le Covid, pas seulement New York. On avait surtout en début de saison et pas mal échappé au protocole Covid et on n'a pas réussi à prendre les victoires à ce moment-là. Des déceptions dans l'alchimie, déceptions dans l'impact des recrues. parler certainement un peu plus par... Ah oui, évidemment, ça, on va en parler, évidemment. Ah, ils vont pas, on va pas les louper. Et déception aussi par certains joueurs qui étaient là la saison passée, dont on attendait un step-up ou une confirmation. C'est une déception globale et déception du coach aussi sur certains choix de rotation, certains choix tactiques. Aujourd'hui, c'est une déception parce qu'on est dixième. Voilà, c'est compliqué parce que les équipes d'en haut vont être dures à aller chercher et le play-in va être compliqué aussi. Et le play-in, c'est un peu la pièce en l'air. Donc forcément, par rapport à l'année dernière et par rapport au recrutement de cet été, on était en droit d'attendre mieux et aujourd'hui, c'est pas terrible. Et la grosse déception, hormis tout ça, parce que là, c'est factuel, c'est-à-dire des résultats et des choses, moi, ce qui me déçoit, c'est que c'est un bordel à regarder les matchs, quoi. C'est zéro plaisir, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de fond de jeu. Je dis pas que l'année dernière, on était extraordinaire avec des systèmes incroyables et tout. Mais là, on est sur de l'isolation à outrance. Une combativité très, très moyenne. Une défense dégueulasse. Donc, on a perdu beaucoup, beaucoup de choses qui faisaient notre charme la saison passée et toute la fraîcheur. Et l'année dernière, je me rappelle d'un podcast où j'ai dit, franchement, je me régale. Il n'y a pas un match où je me fais chier. Ça, on l'a tous dit. Tu te rappelles, on l'a dit. Ah oui, on le ressentait de toute façon. Exactement. Là, on a fait 30 matchs. Je me suis fait chier à 15. Où ça a été horrible, où j'ai regardé les matchs, où je me suis dit, waouh, on va aller au bout. Mais, et victoire ou défaite compris, hein. C'était vraiment une bouillie de basket sur la moitié de nos matchs. Peu abouti, des 3e, des 4e cartons dégueulasses. Il y a un match, alors je sais plus contre qui, je crois que c'était contre Washington, mais j'en suis pas sûr. Ou contre Toronto, où pendant 2 minutes 30, on a tellement deux équipes pétées qu'on met pas un panier. Personne marque. Ah, mais ça, cette situation-là, on l'a vécu sur. Pas que sur ce match-là, hein. Il y a eu quand même 2-3 phases où. En début de carton, c'était horrible. C'est que tu te dis waouh, c'est incroyable. Donc ouais, c'est une déception sur tout ça parce que en fait, t'as l'impression de régresser et c'est jamais bon signe. Là, moi, je retiens vraiment l'élément central, c'est ta grosse déception, quoi, pour synthétiser de manière globale. Hein. De toute façon, je pense que c'est un sentiment qu'on partage là un peu tous. Toi, du coup, Johanny, quoi, comment tu l'as vécu un peu toi ce dimanche-là? Moi, je surkiffe, moi. Non, je déconne. Non, il y a de la déception. Après, je suis quelqu'un, j'essaye d'être positif. Après, c'est difficile d'être positif en ce moment quand on voit les Knicks. Ah, pour avoir de sacrés arguments. Là, voilà, je vais pas non plus vous vendre des choses qui n'existent pas. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de la déception parce que la saison dernière, on n'attendait rien et on a eu beaucoup. On a eu plus que ce qu'on voulait. Oui. Pendant toute la saison, on s'est dit bon, les playoffs, on verra. Attention, tout de suite, c'est pas sûr. Si on fait play-in, c'est déjà bien. Voilà, on était plutôt réticents à espérer une ambition de play-off. Ah, moi, j'étais un peu dans ce cas de figure-là. Effectivement, bien sûr, parce qu'on a mangé notre pain noir pendant de nombreuses saisons et que l'effectif il avait pas radicalement changé la saison dernière, donc voilà, on s'attendait pas à ce qu'il y ait des joueurs qui surperforment, à ce que la patte Thibodeau prenne tout de suite. Et puis voilà, on nous disait souvent attention, le calendrier ça va être dur pour les Knicks, et puis finalement ça s'est bien terminé, et même au-delà de ce qu'on pouvait espérer, une quatrième place un peu. Voilà, il est vrai qu'on était dans un contexte différent, des matchs à huis clos pour une très grosse partie de la saison. Des joueurs en protocole, ou du moins isolés quand ils étaient en déplacement, donc c'était peut-être aussi un peu plus focus basket, je ne sais pas. Puis une quatrième place qu'on a pris, hein, mais qui était peut-être un petit peu surfaite par rapport au niveau réel de la qualité de l'effectif, et ça s'est vu en playoff où on s'est fait taper, on n'a pas vraiment existé. Donc du coup, c'est vrai que cette année, on s'est dit bon, bah on va refaire pareil, quoi, on va viser quatrième, certains même espéraient viser plus, et forcément, là, la déception, elle est très forte parce qu'on n'est pas du tout là où certains pensaient. Moi, reste pour le moment encore sur mon feeling, qui est de dire que l'objectif des Knicks cette saison, c'est pas de faire quatrième ou de faire troisième, voilà, c'est de retourner en playoff et si possible de passer un tour. Là on en est mal embarqué dans cette histoire, mais s'il faut passer par les play-in pour essayer de choper une place en playoff, ça reste encore jouable malgré tout à l'heure où on parle. La saison dernière on était à 19 victoires, 19 défaites, à ce même niveau de saison. Il y avait moins de matchs, hein, on a joué que 72. Là c'est une saison de 82, donc ça sera un peu plus long. L'année dernière on n'a pas été ou très peu impacté par le Covid, là cette année ça n'a pas arrêté. Et voilà, donc du coup, on est à peu de choses près, on est au même niveau que l'année dernière. Par contre, c'est la manière, c'est la dynamique, c'est ce qu'on voit, c'est l'irrégularité. Et c'est ça qui n'est pas vraiment rassurant. Parce qu'autant l'année dernière, il y avait une combativité qui était présente tout le long de la saison. Et même si on avait peut-être moins de talent que cette saison dans l'effectif, bah on avait plus d'envie, plus de défense. Donc voilà, donc ça, on ne le retrouve pas cette année. Et on se dit, merde, les joueurs, globalement, c'est les mêmes. Je dis globalement, hein. On va pas nous dire que on regrette Elfrid Payton, qu'on regrette vraiment Reggie Bullock, mais peut-être un peu finalement. L'alchimie nous retrouver, hein, qu'on regrette en fait. Hein, Mais les échanges sont nombreux sur les réseaux et tout, et voilà, on se dit mais comment c'est possible de autant régresser défensivement. Et bon, on va en parler. Il y a des joueurs qui en sont responsables de cette situation, mais voilà, c'est surtout ça qu'on ne retrouve pas. Limite qu'on ait progressé offensivement, pourquoi pas, mais qu'on ait autant régressé défensivement. Ça, c'est gênant, quoi. Parce que c'est vraiment à l'envi, c'est l'ADN à la base des équipes new-yorkaises, et on le retrouve plus cette année. Et on retrouve plus l'équipe, non pas en termes de résultats, parce que voilà, on est à peu de choses près pareil que la saison dernière, mais en termes de manière, de proposition de jeu. Et ça, on se demande quand ça va revenir, et moi, je pense que ça ne reviendra pas cette saison. Mais bon. Changement radical, après, changement sous quelle forme ? Est-ce que c'est tapé dans la fourmilière ? Est-ce que ça passe par du trade, etc. L'ADN, la philosophie de jeu, c'est pas en un déclic, c'est pas juste avec un joueur, ça s'imprime sur la durée et aussi dès le début. Donc là, on a l'impression qu'on n'a pas repris ces bonnes bases défensives, ces bonnes bases de combativité. Il y a plein de raisons à tout ça, mais du coup, ça me paraît délicat de retrouver une équipe vraiment plus rugueuse en défense sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, la déception, parce que on a aimé la saison dernière, on a aimé même cet effectif limité en talent, mais plus présente dans l'envie et dans la combativité. Et c'est plus ça qu'on aime voir quand on voit jouer les Knicks, quoi. Et du coup, Alex, donc du coup, on a évoqué pas mal de choses là parmi les déceptions. Toi, comment t'as vécu un peu ce début de saison, parce que on peut même plus parler d'un début de saison, on arrive quasiment à mi-saison là. Comment t'as vécu un peu tout ça de ton côté là? Ils ont tout dit, les collègues, donc je vais rien dire. Non, en vrai non, pas. Alors vous êtes plus donc globalement déçu. Moi, je dirais c'est brouillon, parce que parce que je sais, vous me voyez, vous dites oh, il va les défoncer et tout machin. Vas-y, fais-toi plaisir. tu ne voyais pas très très très haut déjà la saison dernière. T'as été surpris aussi, je pense, du résultat. Alors la saison dernière, oui. Dans vos previews, parce que vous faites des previews en début de saison. Et voilà. J'avais mis 15e. Aucun risque, les gars, avec les Knicks. Aucun risque. Mais, donc, non, agréablement surpris. Bah, de toute façon, cette année, je les ai mis 6. Donc, mais tu vois, ça va aller dans l'autre sens, bizarrement. Mais donc, agréablement surpris l'année dernière. Maintenant, sûr de moi l'année dernière, pas spécialement. Parce qu'on en avait déjà parlé, les gars. C'était une fausse 4e place. Tout le monde le savait, oui. Sauf les Basketics. Bon, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais si tu t'y connais un petit peu, tu vois qu'en fait, c'était en demi-teinte. Donc, ouais, fausse 4e place, et de toute façon, on l'a payé en play-off. Ce qui était important, c'était de se réajuster pendant cet été. Ouais. Moi, j'étais le premier à vouloir recruter avant, justement, cette trade deadline qui aurait peut-être pu nous step-upper ou nous casser notre dynamique, hein, peut-être. L'année dernière déjà, mais donc on n'a pas fait grand chose. Bah, il y a eu l'arrivée d'Eric Rose un petit peu avant la trade deadline. Ouais, mais ça a été le point positif et le revival, mais on aurait pu continuer. Moi, je maintiens ça. Mais donc du coup, c'est pas grave. La saison s'est terminée, on était tous contents. Ils ont performé. C'était la seule année où on n'est pas allé à New York en plus. Donc remets pas le couteau. Bon, après le Garden était vide une grosse partie de la saison. Là. Non, mais après regarde sur le papier à l'intersaison, on s'était tous dit qu'il fallait trouver quand même une substitution à Randle qui était seul en attaque, en fait. Il fallait vraiment trouver des options B et C. Le transfert là de Kemba et de Fournier avec ça suscitait toi quoi comme attente pour le coup quand t'as vu ça débarquer, Alex? Mais alors j'étais content parce que enfin on a bougé nos fesses, hein, pour être poli. On a bougé. Alors après, les recrutements en eux-mêmes, il y avait quoi de dispo sur le marché? Il y avait pas spécialement grand chose. Moi, j'aurais préféré des balls par exemple, mais bon, après c'est pas spécialement déconnant parce que comme tu le dis, ça manquait en attaque, il fallait de la substitution, comme tu l'as très bien expliqué. Sauf que ben là, on voit en ce début de saison que voilà, j'arrive pas à dire ce mot. Substitution. voilà. Ouais. Des on voit que, en fait, ça a déséquilibré complètement le roster. Ouais. Et on voit qu'on a perdu des joueurs comme, t'en parlais tout à l'heure, Bullock, ou même Payton, ou, bon, j'allais dire Frank, mais non, c'est une blague. mais tout ça pour dire que, ouais, effectivement, c'est pas au rendez-vous défensivement. Et quand t'as une équipe qui doit confirmer, parce que la quatrième place, on doit au moins la confirmer ou essayer au moins de la maintenir, même si elle était fausse, avec une vision de jeu basée sur de la défense, quand t'arrives cette année avec un roster mi-défense, mi-attaque, tu te dis, attends, faut qu'on sécurise au moins une sixième place. Eh bien, c'est pas du tout le cas, parce que ça a complètement tout pété. Et on se retrouve, je vous dis, un brouillon. Personne s'est intégré vraiment. Bon, après, il y a eu des petites blessures par-ci, par-là, mais c'est pas une excuse. Mais quand tu laisses ton lead à Walker qui garde la balle et ou qui pense qu'à lui plutôt qu'à distribuer, ce que ne faisait pas Payton, mais Payton, il était un peu nul en attaque. Ouais. On se retrouve à faire des... C'est brouillon, c'est clairement brouillon. Et là, je vois sur la saison, on gagne un match, on en perd deux. On en gagne deux, on en perd trois. On en gagne trois, on en perd un. C'est complètement aléatoire. Et tu parlais de trouver un équilibre, on le trouve clairement pas. Et Thibodeau a beau essayer de sanctionner, de refaire des rosters, de confirmer, on trouve pas. On trouve pas la recette, les gars. Donc moi, je m'inquiète vraiment pour la suite parce que c'est clairement une instabilité. Et ce qui me choque le plus, c'est Randall qui fait une saison de ouf l'année dernière. Moi, j'avais dit, j'attends l'année 3 pour le juger. Bah, les gars, on est en année 3. On va en parler, alors. Ouais, on va parler de Randall, parce qu'effectivement, c'est celui qui cristallise un peu ce nouveau visage d'Enix et qui cristallise forcément l'ensemble des critiques qui remontent. Moi, je rejoins aussi, effectivement, alors, il y a plusieurs choses, hein, parce que vous avez pas mal dit de choses, là. Je partage complètement vos analyses. Quoi. Là où je suis rassuré, c'est qu'on voit tous les mêmes matchs. Ouais. le côté perte de plaisir devant un fond de jeu qui touche le fond, c'est vraiment ce que je retiens. Je prends vraiment de moins en moins de plaisir à regarder les matchs, et là je te joins à fond Julien sur le sujet, parce que l'année dernière, même sur certaines défaites, tu prenais quand même plaisir sur les phases de jeu. Là effectivement, il n'y a pas grand chose, et effectivement Thibodeau, je le trouve pas très en forme dans ses rotations. Là où il l'était un peu plus, c'est quand il n'avait manifestement pas le choix. C'était plus durant la semaine dernière, où on a quand même réussi à retrouver un semblant de défense, entre guillemets, hein. C'est-à-dire qu'en fait, les victoires qu'on va chercher, donc il y a eu trois victoires d'affilée. Hein, C'est des adversaires pas forcément glorieux, mais... Oui, on parvient enfin à faire tomber l'attaque adverse en dessous des 100 points, et c'est là où on va chercher nos victoires. Et ça, c'était vraiment ce qui nous avait marqué l'année dernière. Et ça s'est traduit par un rating défensif l'un des meilleurs de la Ligue. Et c'est dans cette phase-là où vraiment j'ai pu retrouver un peu cette patte-là. Et cette patte-là, on la retrouve parce qu'on n'a pas le choix au niveau des rotations. Et on se retrouve comme par hasard. Alors là, oui, on va parler des cas individuels. Mais moi, j'insiste un peu sur Gibson, là, très rapidement. J'en avais parlé brièvement la dernière fois. Ah, tu l'aimes, ce Gibson. Mais en fait, alors c'est pas que je l'aime, mais c'est un constat. C'est-à-dire qu'en fait, t'es en galère au niveau du poste 5. T'es en galère au niveau du leadership. Alors, on parle beaucoup d'attaque, mais il faut aussi parler de défense. Et en termes de leadership, pour moi, c'est le leader de la défense, c'est le taulier de la défense. Il est repassé titulaire par la force des choses, et il a été dans le centre des débats quand il avait fallu chercher des petites victoires. Alors, certes, des équipes qui sont complètement démunies aussi, mais voilà quoi. D'accord avec toi, Gibson, il ne déçoit jamais. Le gars, j'en parle tout le temps, il a 102 piges. Le mec, il est censé jouer 3 minutes par match. Au final, à chaque fois, il est là, il met ses layups, il prend ses rebonds, il se bat, il est toujours. Enfin, il n'y a aucun match où il rentre où tu es déçu ce qu'il apporte. Son apport par rapport à ce qu'il est censé faire. Gibson, c'est... Il y a juste des fois où il ne fait pas le poids par rapport au pivot, oui. Au vrai pivot, oui. De métier en face de lui. Quoi. Pas qu'à la base, Gibson, il est même pas censé... Il est là, il a été signé en fin de saison. Oui, oui. C'était plus pour transition, en gros, j'aide un peu et je vais rentrer dans le staff futur. Un peu faire du mentoring, quoi. Et voilà, le mec, il est là, il joue et il est impactant. Donc, à un moment donné, des fois, oui, il peut pas tenir contre les pivots adverses, mais c'est pas notre problème. Heureusement que je suis d'accord avec toi, c'est un des coups de cœur, Gibson. Un peu comme D-Rose, mais l'absence de D-Rose va nous être préjudiciable bien plus que ce qu'on pense. Mais voilà, je pense que Gibson, aujourd'hui, s'il est pas là sur certains matchs, je suis d'accord avec toi, Lolo, je pense que c'est pas la même. Parce que les autres pivots, ils font pas le taf. Exactement. Et puis il coach la défense, quoi, complètement. C'est lui qui. Il replace les mecs, en attaque, il est toujours. Tu vois, il fait toujours. Gibson, la différence, c'est qu'en attaque, c'est pas un mec qui va se la raconter, mais c'est le geste juste. Je prends, je me retourne, les ups. je me retourne Thomas, il fait aucun geste qui sert à rien et en plus il a un petit move, voilà, c'est juste propre et tout, efficace. Voilà, il s'invente pas une vie et en plus il est carré, il est là, tu vois qu'il est présent. Non, il est irréprochable dans son utilisation, dans son jeu. Après, c'est dommage de devoir en parler parce que ça veut dire que tous les autres ne font pas le taf et c'est ouais, ça, le 3-4ème intérieur de rotation. Je suis d'accord avec toi, Johanné, évidemment. Normalement, c'est pas le premier nom qui doit remonter sur la liste. Là, je suis d'accord. À la base, il est même pas censé jouer certains matchs. Tu vois, c'est le gars qui va jouer 2-3 matchs. Il est pas dans le 5. Même pas, il est même pas dans les 10 à la base. Il est là pour apporter en cas de rotation ou quoi que ce soit. Quand il est signé en fin. Enfin, franchement, t'as Mitch et Noël qui sont censés prendre le poste 5. Voir un Julius sur certains trucs quand tu joues en small ball. Ouais. Gibson, t'imagines, c'est quasiment la quatrième rotation au poste. Et si tu prends les derniers matchs, même avant le Covid, même avant qu'on soit tous tout, il a quand même été impactant parce que, pas le choix. Parce que Thibodeau, il s'est dit, merde, les mecs, ils assurent pas, Taj, vas-y, rentre dedans, quoi. C'est parce tout. Qu'il apporte ce que j'évoquais moi tout à l'heure, le côté combativité, défense, que les autres n'apportent pas, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il est utilisé et il fait encore bien le taf, malgré son âge avancé, malgré peut-être des fois le fait que c'est pas à lui vraiment de rentrer en jeu pour avoir ces missions-là. Noël, c'est compliqué aussi. Noël, il est très absent. Hein. Il y a eu des blessures, il y a eu le protocole Covid, tout ça. Donc, bon. Noël, il a jamais commencé sa saison. Il fait plus que dépanner, mais c'est parce que... Noël a quasiment pas été là de la saison. Mitch, je sais pas si vous en parlez aussi. Enfin, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut en parler aussi. De toute façon, Mitch... Ah, vas-y, lâche-toi, Mitch. Vas-y. Mitch, moi, je l'ai déjà dit sur un autre podcast, moi je trouve que Mitch est une décision depuis longtemps. Il a fait un match ou deux où il a sorti un double-double ou quoi que ce soit, mais en face il y avait personne, donc c'est facile hein. Quand tu joues contre des poussins, tu peux les poussins au NBA quoi. Enfin, quand, tu vois, il y avait aucune gloire, tu vois. Donc après, quand il a de l'opposition, il fait rien. Il a été benché, faut pas oublier que le mec il est pas titulaire. Il est benché parce que 1, il apporte pas, 2, son comportement est pas irréprochable et son envie non plus. Donc à un moment donné, c'est un joueur qui a un potentiel mais qui ne progresse pas. Il a un QI basket qui est pas loin de l'huître, donc à un moment donné, je l'aime bien, mais il faut être franc qu'il apporte pas la sérénité qu'on devrait avoir. Heureusement que tu l'aimes bien. Il ne sert à rien. Mais sa complémentarité avec Julius n'a pas tous les défauts non plus de la Terre. C'est qu'en même temps, quand tu as un 5 qui s'appelle Mitch Robinson, qui à côté de toi fait pas forcément l'écran en retard, qui se décale quand il faut pas, et qui en plus en attaque, si tu lui donnes pas la balle en haut du cercle et qu'elle est presque rentrée, il t'aide pas quoi. Mais il est perdu. Il est perdu sur le terrain, clairement. Il est perdu, que ce soit en attaque ou en défense. C'est ridicule. Moi, ce mec-là, c'est le gars que je vais cibler dans l'effectif des Knicks. C'est le pire parce qu'on a beau parler de Randle ou de Barrett ou de Fournier ou des choses comme ça, mais Robinson c'est clairement l'incarnation du potentiel loupé, clairement loupé, et il est perdu sur le terrain. Les rotations il les fait pas, en attaque à part ses claquettes, je suis désolé, il nous sert à rien. Donc ok, il a un bon pourcentage, mais le mec il fait que des claquettes. Donc ça t'assure peut-être aller 5, 6, 7, 10 points, aller dire bon aussi, ouais, mais parce qu'on joue peu aussi sur lui en fait. Je sais pas si c'est parce qu'on ne joue pas sur lui ou parce qu'il donne pas satisfaction, mais en tout cas il est peu utilisé, donc du coup son rendement il serait pas là, ça serait pareil quoi. Bah, tu vas le voir sur un ou deux matchs en fait, où effectivement il arrive à s'en sortir et avoir une bonne dynamique, mais tu vois ce qui pour moi il est vraiment frustrant quoi. Alors oui, je vous rejoins, alors on peut être ultra sévère avec lui parce qu'en fait la sévérité vient du fait qu'il suscite beaucoup d'attentes. Oui, et puis il en a des contrats, hein, et il arrive à la fin de son contrat rookie, donc il y a un choix à faire. À la base, t'as un potentiel. Le potentiel, tu le vois pas, et à un moment donné, il a pas de main. On est au basket, hein, on n'est pas en athlétisme. Il a pas de main, le mec. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on joue pas avec lui. Mais tu veux jouer avec lui comment? Il a pas travaillé ni de mi-distance, ni de move, le mec. Ça fait 3 ans, il a rien travaillé. À part de la claquette dunk et espérer de temps en temps récupérer un rebond off et monter. Et même moi, il y a des matchs où je le vois au rebond et c'est pas normal. On se prend, il est sur le terrain. Il fait 2 mètres, je sais plus combien, 15, un truc comme ça. Le mec. Ouais. On perd 3-4 rebonds def. Le mec, il est ramasse. Les blockouts au rebond, c'est... Alors, ça arrive que tu en prennes un. Ça met tout à fait en valeur le manque de basket. Non, mais ouais, mais au-delà du QI, c'est de l'implication, en fait, tu vois. C'est le minimum. En fait. Il fait pas le truc ingrat qui est relou. Je suis dit, on joue tous au basket. C'est sûr que d'être au rebond, de faire l'écran en retard et de te mettre le cul par terre pour pas que l'autre prenne, c'est vraiment ce qu'il y a de plus chiant au basket. Mais si tu le fais pas, bah, il y a un match où c'était flagrant, c'est il y a deux nuits, je crois, où à un moment donné, les mecs ils shootent, ils prennent 5 ou 6 rebonds off sur notre tête. Ouais, mais tu vois, le paradoxe, c'est que le mec, il va faire son vieux faux deuxième rideau tout pourri à chaque fois qu'il y a un mec qui va aller en double pas. Donc tu vois, il veut faire le show, mais il arrive déjà même pas à prendre de rebonds et à défendre correctement. Mais le pire, c'est qu'il essaie de faire son contre en second rideau, mais qui ne marche pas parce qu'il est tellement lent, il est tellement perdu sur le terrain que le mec, on lui met 2-3 pas déjà dans la tronche et donc du coup, il fait pas du tout son bloc. En fait, on a l'impression qu'il a perdu en mobilité, quoi. Il a gagné en muscle sur le haut du corps, mais du coup, en termes de mobilité, alors que voilà, c'est peut-être bientôt ce qu'on attend maintenant des pivots modernes, c'est justement d'avoir cette mobilité, pouvoir protéger aussi au large. Non, chez Mitch, c'est pas possible. Et au large, tu vois, des fois, on va le défendre, des fois, il fait l'effort de sortir au large, mais il sort toujours avec une seconde de retard. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Il contre pas le mec à 3 points, il sort, il s'écarte. Si le mec en face ne met pas, il y a personne au rebond. Donc, il y a un rebond off pour l'équipe adverse. Et ça, c'est flagrant. Et c'est frustrant. Donc, Mitch, on va pas faire une spéciale Mitch, mais c'est vrai que là où on a des problèmes défensifs, le rim protector désigné est pas présent. Quoi. On va parler des autres postes, mais c'est censé être une de tes bases défensives, le 5. Hein, et c'est le joueur le plus imposant de l'équipe. Et franchement, là où on avait vu un potentiel il y a 3 ans, 3 ans après, tu te dis, écoute, il est peut-être même moins efficace que quand il était rookie. Autant de jeux, si tu ramènes, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Ah, c'est très compliqué, Après, les gars, là faudrait aussi évoquer un petit peu les recrues. Moi, je veux parler de Kemba et de Fournier, quoi. Donc déjà. Et j'ai envie de commencer, on va dire, dans l'ordre des postes. Donc le poste 1, Kemba Walker. Allez, Kemba Walker, bon, c'est un recrutement un petit peu surprise, pas trop cher, lâché par Boston, lâché par OKC. Donc on savait qu'il y avait des interrogations sur l'état de santé, l'état de forme du joueur. Ça on le savait. C'est un pari, Kemba. Voilà, ouais. On le savait. Alors OK, il y a la petite storytelling qui va bien avec le gars du Bronx qui revient chez lui. Tout ça, c'est sympa, c'est pour le marketing, c'est cool. Le cardiaque Kemba, on nous a ressorti les images de Yukon et tout. C'est sympa, mais ça fait pas le Kemba de 2021-2022. C'est une situation très compliquée, Kemba Walker, mine de rien, parce qu'il a été, il a été tout de même, et Derrick Rose a été dans ce sens, il a été mis au poste de titulaire. Derrick Rose a dit non, ça sera Kemba Walker, il est fort, machin, il n'y a pas de raison. Ouais, alors on savait pas s'il allait faire tous les matchs, je sais pas si vous vous rappelez, mais en conférence de presse, quand il est présenté devant Thibodeau et compagnie, il y a un journaliste qui lui demande on ferait les back-to-back, faut demander à Thib. Thib, il dit ouais, bien sûr, donc voilà, tout le monde est en train de rigoler, super, tout allait bien à ce moment-là. Et puis, un mois ou deux de compétition après, Kemba est mis out of rotation. Donc, la grosse sanction, parce que on a découvert que Kemba, c'était une passoire en défense, on a découvert que Kemba, c'était pas un meneur gestionnaire, et plutôt que de le mettre sur le banc, ou tu vois, de lui gérer ses minutes, ou de lui laisser un peu de temps pour se remettre en forme ou quoi que ce soit, non, carrément, on l'a, entre guillemets, pointé du doigt en disant c'est le responsable de notre problème où on prend l'eau. Après la dynamique aussi imposée à Tibbs de faire un move. Parce que les résultats, ça cliquait pas. Voilà. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi politiquement. T'as un Fournier qui a pratiquement 20 millions par an et t'as un Kemba qui est... À 8 que t'as récupéré, pour pas cher. Non, celui que tu vas bencher, c'est celui qui a le moins bon contrat. Faut pas sentir. Mais dans la méthode, dans la façon de faire, parce que ce qui a été mis en avant, c'était les datas en disant, regardez, on est la pire attaque, pire défense quand Kemba est sur le terrain. Bon, Kemba, il n'était pas tout seul sur le terrain à chaque fois. Hein. On lui a fait un peu porter le chapeau de la chose, je trouve. Ouais, il y a le ratio qui parlait en sa défaveur, pour le coup. C'est sûr que quand tu prends les actions, t'isoles les actions où le mec, il se fait dépasser et tout, c'est compliqué parce que ton premier rideau défensif, il tient pas la route. On a parlé tout à l'heure de Mitchell Robinson, le dernier, il tient pas plus la route, donc tu prends l'autre toute part. Quoi. C'est compliqué. Il était ciblé par les équipes adverses. Parce que c'est notoire que c'est pas forcément un bon défenseur, comme il y a d'autres grands joueurs en NBA qui sont pas des super bons défenseurs et qui sont ciblés. Steph Curry, par exemple, est ciblé aussi des fois par les attaques adverses pour bénéficier de ses largesses défensives. Donc voilà. Donc on le savait quand on a recruté Kemba. Kemba, c'est pas une découverte. Donc ça là-dessus, moi je trouve que c'était se tirer une balle dans le pied de gérer sa situation de la sorte. On aurait pu le mettre voilà, en seconde unit et puis bricoler un truc autrement. Ouais, gérer plus intelligemment quoi. On s'est affiché, Thibodeau s'est affiché. Alors je pense que la décision elle a été prise aussi avec le front, hein, parce que voilà, c'est quand même une recrue, il était mis en avant sur la pub du City Edition, tout ça, donc on comptait quand même un peu sur lui, tu vois. Mais du coup, moi j'ai pas trouvé ça très très sain. Lui a été très pro, sourire, machin, il a continué de taffer. Ouais, c'est important que tu le dises, parce que franchement, son comportement, il a été réprochable à Kemba. Il aurait pu tirer la tronche, dire bon, c'est ça, vas-y, tradez-moi, refais un buyout. Je sais pas combien tu peux en faire dans la saison, mais voilà, quoi, il aurait pu mal prendre la situation, et non, il est resté très pro. Quand on a eu l'avalanche de protocoles et tout, on a refait appel à lui et il s'est transformé en joueur de la semaine. Ouais, mais il était au placard. Il était au placard, mais du coup, il était plus ou moins frais et il a fait de belles prestations en faisant du Kemba, en faisant du scoring. Peut-être pas tellement de passes, quoi, qu'à Noël, il sort un petit triple-double, mais voilà, quoi. Donc, et son match 44 points, il y avait un petit côté le comeback de Kemba, quoi. Donc, c'était sympa, même si ça se traduisait pas forcément par de la victoire. Donc, déjà, ouais, il y a quand même une situation un peu malsaine autour de la gestion de Kemba. On a mis Burks en meneur, enfin, voilà, personne est d'accord pour dire que Alec Burks, c'est un meneur, quoi. Donc, on s'est tiré une balle dans le pied avec cette situation. Je suis pas sûr que ça ait été très, très bien vécu par l'ensemble du rooster, quoi. Même si Julius, devait pigner parce qu'il touchait moins de ballons, parce que Kemba, bah, il avait besoin de ballons pour s'exprimer. Voilà, mais c'était pas sain, quoi. La situation Kemba Walker, je suis désolé, le message envoyé, même si on le récupère dans un buyout d'OKC, oui. T'en fais un de tes joueurs, une de tes recrues phares, même si c'est plus le Kemba d'avant, voilà. Et je trouve ça moche. Ah, c'est moche la manière dont t'attends de Saspar qui score, t'attends pas autre chose, quoi. C'est pas lui qui va te tourner à 10 passes par match. Il l'a jamais fait en carrière. Pourquoi est-ce qu'il le ferait plus maintenant? Donc, C'est erreur de casting. Hein. C'est clairement erreur de casting. Et après, il y avait que ça de disponible sur le marché aussi. Regarde, Ball, il a été pris par Chicago. Donc derrière, tu veux faire quoi? Il n'y a personne d'aussi défensif qu'on voulait. Il y avait peut-être une pression de recruter, effectivement. Ouais, donc, c'est un pari. Mais oui, mais ça, c'est tu payes des trucs que tu n'as pas fait avant, en fait. Donc là, c'est pas du panic move. On ne va pas aller jusqu'à là, parce que quand même... Non, parce qu'au vu du transfert, franchement, ça a choqué personne. Hein. Non, tout le monde était plutôt content. Alors, moi, la manière dont je l'ai vécu, en fait, c'est je me dis bon ouais c'est bon c'est bon plan placer ouais. Ouais mais arnaque s'il pète tant mieux et s'il pète pas je me dis mais il y a D-Rose derrière derrière D-Rose t'as qui t'as pu payer t'as McBride après tu vois moi j'étais moins emballé goût parce que je vous ai dit je me rappelle je vous étais pas d'accord avec moi il a défendu facile maintenant les podcasts sont là vous pouvez les réécouter Je vous ai dit, il sort de deux saisons très compliquées physiquement. Ouais, bien sûr. Oui, ça on l'a vu. Mais c'est ce qui fait qu'il était disponible et à ce prix-là, parce que sinon on n'aurait pas pu se le payer, quoi. Je parle même pas du fait qu'ils sont pas un gestionnaire et tout, même si c'est ce qu'on avait besoin. Et je disais juste à l'époque et on se vérifiait, c'est qu'il sort de deux saisons compliquées physiquement. C'est ce qui est pour lui, sa qualité principale, c'est de jouer sur son physique. C'est pas un meneur gestionnaire, donc c'est un meneur explosif. Il a plus cette explosivité. Et ce que j'avais dit à l'époque, c'était à l'été, c'est est-ce qu'il va être assez intelligent pour se réinventer, style Derrick Rose, qui lui a travaillé son shoot à 3, façon de gérer ou pas, et comment ça va se faire? Et on a vu que pour l'instant, Kemba, il a pas encore digéré ça, digéré le fait qu'il est plus comme avant. Après, il met des 3 hein, quand même. Hein. C'est pas devenu un manchot, c'est dans les meilleurs pourcentages de l'équipe tout de même. Mais il met des 3, mais il reste que en honneur scoreur, tu vois. Alors à Noël, c'est un trompe-l'œil parce que son triple-double, c'est face à l'équipe C d'Atlanta. Donc c'est un peu plus facile quand même. Désolé, faut dire les choses. C'était l'équipe à prime. En fait, chaque fois on nous dit ouais, vous gagnez contre des équipes C, D ou machin. Ouais, d'accord, mais ça c'est. Enfin, qu'est-ce que tu peux, je veux dire. Je te parle, lui n'a jamais fait 10 passes dans la saison, à part contre Atlanta où en face de lui il y avait rien. Enfin, c'était dégueulasse. Et sinon, tout le reste de la saison, tu vois bien que on parle de Kemba, mais tu vois bien que le problème, pourquoi il ciblait Kemba, c'est parce qu'il est pas assez fort pour devenir le franchise. On est d'accord. Il est pas assez fort. Pour orienter le jeu, c'est pas son jeu. Evan, Julius ou RG, qui sont des joueurs qui ont quand même besoin d'avoir un certain mouvement de ballon et avoir le ballon en même temps assez souvent dans la main, t'as un meneur qui leur permet pas... Qui s'accapare un peu le ballon, on est d'accord, mais... Si tu regardes bien, il y a une différence notable, et elle est claire. Tu regardes bien l'équipe titulaire et l'équipe remplaçante, la balle ne circule pas de la même façon. Et pourtant, sont moins forts. C'est juste qu'avec Kemba, dans une autre équipe, peut-être que ça va matcher, mais avec les joueurs qu'il a autour de lui, RJ, Julius et Evan, sa façon de jouer ne permet pas aux autres de briller. Il ne permet pas aux autres d'aller vite. Oui, ça bride le jeu. Hein. Le problème, il est qu'il ne s'incorpore pas avec les autres pièces. En fait, pour qu'il existe, il a besoin de scorer. Et pour scorer, il a besoin d'avoir le ballon dans les mains. Donc, c'est compliqué. C'est pas un meneur altruiste. Mais pourquoi Julius est moins bon cette saison? Parce qu'il a, lui, c'est notre moteur number one. Et l'année dernière, c'était lui la pièce maîtresse. Et tout passait par lui. Et après, Elfrid Payton n'avait aucune prétention pour avoir la balle ou scorer ou quoi que ce soit. Il en était incapable. Mais tout passait par lui. RJ était vraiment dans son rôle de lieutenant et tout, quoi que ce soit. Mais là, du coup, t'as rajouté Kemba et Evan qui ont eux aussi besoin de faire ça. Donc, Julius est obligé de lâcher ça. Mais Julius est un mec qui est un diesel. Pour monter en puissance lors du dernier match, c'est ce qui s'est passé. Il faut qu'il touche souvent la balle. Et Kemba était pas là. Il faut qu'il touche souvent la balle et qu'il soit en rythme. Il peut pas sortir à la Kobe et être en rythme pendant trois quarts temps être pourri ou quatrième exploser. Mais avec Kemba, Julius, il a pas ce moteur. Il a pas cette huile dans le moteur et il peut pas. Il peut pas trouver de rythme. Et RJ, je suis désolé, mais c'est pareil, c'est le genre de joueur qui a besoin aussi de toucher la balle. Et là, il sort d'un super match parce que il a eu la balle régulièrement dans les mains, il a eu la balle pour pouvoir attaquer, quoi que ce soit. Ah, il a été très agressif aussi dès le début. Dès le départ, mais parce que dès le départ, il a la balle. Dès le départ. Et sur du drive. Parce que, en fait, cette saison aussi, on bombarde à 3 points. On a l'impression qu'on est devenu les Warriors. Tout le monde veut shooter à 3 points. On fout, ça. Et en fait, on n'en met pas la moitié. Quoi. Enfin, bon, déjà, en mettre la moitié, ça serait beau, mais on abuse, j'ai l'impression, moi, du shoot à 3 points, quoi, cette saison. Et encore, là, ça s'est calmé. Parce que là, comme je l'évoquais tout à l'heure, là, quand on faisait un peu l'analyse globale et sur les victoires qu'on a grattées en faisant, descendre, en fait, l'attaque adverse. Et en ralentissant le jeu, là au niveau du pacing, c'est plus du tout le même rythme qu'on a posé au début de saison quand on shootait à tout va. Hein. Là ouais. Vraiment le rythme a changé et moi j'ai cette sensation qu'on redevient en fait, voilà, on reprend un peu Est-ce qu'on redevient l'équipe de l'année dernière ? J'aimerais bien. Non, et je ne pense pas et ce sera pas le cas, mais par contre on revient à des principes qu'on avait mis au centre oui. des débats l'année dernière. Je te parle pas qu'on va à la deadline un retour de Bullock, Frank Ntilikina et Elfrid Payton. Hein. On est d'accord. Non, mais voilà, dans le style, je trouve que là, le curseur, il a été revu plus du côté défensif que du pacing en attaque et de la transition à tout va, quoi. Mais du coup, est-ce que l'erreur, finalement, pour peut-être essayer de conclure sur Kemba, est-ce que l'erreur, c'est pas de l'avoir mis titulaire, on aurait peut-être dû mettre Derrick Rose, même si Derrick Rose, il a envie de gérer ses minutes, si Derrick Rose, il a envie de durer sur la longueur de la saison, mais finalement, lui est plus altruiste, aurait peut-être plus facilité le mouvement de ballon dans le starting five. Après, est-ce que Kemba aurait bien fonctionné en seconde unit? Ça, c'est encore autre chose. Et voilà. Manuel Quickley qui aime bien aussi avoir la balle en main. Non, donc, l'erreur, c'est pas avoir pris un meneur gestionnaire. Derrick Rose, si tu l'enlèves du second unit, Derrick Rose, tu le crames. D'ailleurs, on l'a vu, il est fatigué et tout quoi que ce soit. Bref, il a besoin de moins jouer, de jouer face à... Et puis en plus, Derrick Rose, c'est un super joueur. Quand il joue contre les secondes unités adverses, il leur fait la misère. Et c'est notre point fort. Et en plus, avec Quickley, je trouve que ça marchait bien. Enfin, même la combinaison des deux aussi. Mais on se rend compte que Kemba, on l'a rajouté, mais c'est peut-être plus une mauvaise idée qu'autre chose, quoi, cette histoire. En fait, Kemba, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez bien dit, Kemba, c'était l'opportunité, mais c'est une mauvaise opportunité. Tu le sais qu'en le testant, en vérité, même si tu avais des prémices, oui. Voilà, c'est pas que de sa faute si on perd, mais c'est une opportunité, mais elle s'avère pas payante. Alors, il va scorer certains matchs, mais au final, ça désorganise choses. Et je vais finir là-dessus, c'est parce qu'en plus, faut pas oublier que ce que t'as fait, c'est que t'as pris d'abord ton poste 2. Ton poste 2, t'as pris Evan. Et Evan, c'est pas un profil de je défends d'abord et après je mets des 3 points, c'est pas un training, quoi. Ah, Evan. Non, c'est... Il faut en parler. Ah oui, il faut qu'on en parle. Juste avant de basculer sur Fournier, mais Kemba, pour répondre un peu à ta question, Joanie, pour le coup, moi, oui, je l'aurais mis dans le 5, pour pas déséquilibrer, en fait, cette seconde unit qui est au moins la seule unit... où il y avait encore un peu de cohésion. Mais par contre, je le mets pas pour terminer les matchs, quoi. Tu vois. Oui, alors déjà, moi j'étais beaucoup plus serein de voir Derrick Rose dans le finish. Voilà, je fais l'ajustement après au niveau des rotations. Voilà. Parce qu'en fait, Kemba, limite, bah, on sait qu'il a les genoux qui grincent, hein, ça s'entend sur le League Pass. mais du coup, tu le fais jouer au début de match, un peu comme ce qu'on faisait l'année dernière en fin de saison avec Elfrid Payton qui continuait de démarrer les rencontres. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il finit pas les matchs. Exactement. Quoi. Et c'est pas grave. T'as tes 20 minutes et 25 minutes un petit peu sur le début. Et puis. Et voilà. aujourd'hui là, bon, il a fait quelques matchs où c'était intéressant et tout. Mais si toute l'équipe est au complet, qu'il n'y a pas de protocole et tout, la question c'est est-ce que vous mettez le rookie ou vous mettez Kemba ? Ah, le rookie, il a montré des limites hein, aussi. Hein. Je suis désolé. C'est bien de vouloir jouer les petits jeunes et tout. Et McBride, moi je trouve ça. Mais c'est ton chouchou, McBride. Joanie, dis-le, tu peux le dire là. On est entre nous. C'est ton chouchou, McBride. Mon chouchou. Non, mais en fait, moi j'aime tous mes. Je le dis, je le répète, hein, j'aime tous les Knicks sauf Porzingis. Voilà. Ah oui. Les Knicks du moment, du passé, du futur, j'en sais rien, mais voilà. Mais non, mais McBride, il est sympa, mais on voit qu'il n'a pas encore tous les skills. Il faut se rappeler où il a été drafté. Si c'était vraiment un meneur abouti, il aurait été drafté bien plus haut. Donc il y a un potentiel avec lui, il faut le développer, ça prendra du temps. Il a un peu de minutes de jeu, c'est cool, mais ça fait pas tout encore aujourd'hui, malheureusement quoi. Donc non, c'est compliqué. Le poste 1, c'est toujours le bordel au Knicks depuis des années. On a du mal à trouver la formule qui va bien, le meneur installé. Kemba Walker, il y a un peu de l'erreur de casting. L'avoir sorti de la rotation telle qu'on l'a fait, c'était un peu irrespectueux vis-à-vis du joueur parce qu'il n'est pas si cramé que ça non plus. Il a encore, il nous montre par moments. Mais ça ne combine pas bien avec tout le reste. C'est ça le problème. Je crois que Thibodeau n'est pas inspiré aussi parce que la façon de le sortir est sale. Tu peux perdre un joueur comme ça en sortant quelqu'un. Bien sûr. Mentalement, tu peux le cramer. C'est pas forcément très propre par rapport aux autres. T'es dans une équipe de bons mecs, donc je pense que les gars l'ont pas lynché ou quoi que ce soit, l'ont plutôt soutenu. Et lui aussi, c'est un bon gars, donc il a tenu, donc... Mais c'est là où tu vois que Thibodeau, il est plus qu'à la ramasse, parce que du jour au lendemain, tu le sais. Il cherche des solutions. Hein, et... mais nous, si on le voit, je peux te dire que les mecs à l'intérieur, ils le voient aussi. Ah oui, non, mais bien sûr. Et je pense que son éviction de la rotation, il y a eu aussi... Je pense que Julius s'en est plein. Il fait, putain, j'ai plus le ballon, machin, je peux pas m'exprimer parce que Kemba il prend le ballon, Kemba il défend pas, donc faut le couvrir derrière aussi, donc ça devenait compliqué, ça devenait un poids on va dire dans le starting five. Moi j'ai été content de ce que Thibodeau a fait parce que de toute façon que ce soit Kemba c'est ou plus, hein, c'est... Non, mais voilà, que ce soit Kemba ou un autre, ça allait pas et bon ça va pas mieux hein, tu me diras, mais ça va pas mieux. Mais il fallait faire un signe fort, alors malheureusement c'est tombé sur Kemba. Effectivement c'est peut-être un peu facile parce que c'est quelqu'un qu'on a recruté il y a pas trop longtemps, mais peut-être qu'il aurait fallu sortir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, je pense qu'il aurait fallu sortir quelqu'un d'autre. Julius, en fait, on a joué. Julius, peut-être pas. Je pense pas, mais en gros, Thibodeau, il a sorti sa carte électrochoc. Ouais, c'est ça. Ça a eu un effet parce que du coup, on s'est dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe et tout. Il y a eu un effet quand même. C'était pas neutre. On a dit, ah bon, il a vu que l'équipe tournait pas. Il veut un geste fort pour rééquilibrer tout ça. Bon, en mettant Burks, ok. La carte pour remplacer, c'est pas ce qu'il faut. Ouais, bah mais ouais. Une fois que tu l'as grillé, ce joker-là, le reste de la saison... Il condamne Kemba et il condamne Mitch aussi. Parce qu'il annonce encore des changements après avoir sorti Kemba de la rotation. Je sous-entends que vous vouliez pas sortir ni RG ni Julius. Il reste une seule position qu'il pouvait sortir, si je vous écoute. Ouais, et qu'il n'a pas sorti encore. Ah bah, il n'a pas sorti encore. Ah ben bah, voilà, bah, la transition. Ah bah, c'est pas moi qui vais en parler parce que là je sens que il y a deux personnes qui voulaient sortir Evan de la rotation. Allez, bah, vas-y, bah, qui se lance? Allez, Evan, oh, cocorico, on était tous contents d'avoir un petit français sorti des JO avec sa grande gueule. On était tous contents de l'avoir au Knicks. On s'est dit, putain, enfin, on a un vrai français, un bon français, pas comme Franck. Hein. Un vrai français, un bon français. Attention, j'aime tellement faire ça. Non, mais on s'est dit, on va le bull up avec Evan quand même. C'est quand même mieux que Franck et c'est beaucoup plus légit. Bah, sauf que pareil, Evan, c'est pareil. Est-ce que ça a été la bonne idée? Je pense pas parce que c'est ni bon. Enfin, c'est pas élite en attaque et c'est pas élite en défense. Et c'est un poste 2, comme vous l'avez dit. Sans être élite en défense, juste moyen en défense, ça serait non, suffisant mais, et voilà, c'est compliqué. Par contre, Fournier, quand même, on avait quand même cette sensation que ça allait pouvoir soulager justement Randle au niveau du scoring. Et nous, c'est ce qu'on attendait de notre recrue. tu rajoutes un poste 2 dans la recette encore. Putain, tu te rends compte, t'as déjà Rose, t'avais Quickly, t'avais qui d'autre, mais t'avais une pelletée de joueurs qui étaient en poste 1 et 2. Putain, tu rajoutes Fournier en plus, alors que t'as RJ Barrett que tu décales en 3, alors que c'est, pour moi, je suis désolé, j'ai un problème avec ça. C'est pas son vrai poste. Ouais. Là, il est en mode en. Je pense que lui aussi, il a un souci avec ça. Et ouais, non, mais clairement. Ouais. Et ça fout le bordel, clairement. Donc, pareil, Evan, c'est la fausse bonne idée. Mais, pareil, il y avait que ça sur le marché, donc tu tentes. Tu t'es dit, vas-y, il a fait un bon truc à Boston. Bon, parce qu'il voulait un contrat. On le voit aujourd'hui. Et du coup, voilà. Mais ouais, Fournier, bah ouais, c'est mi figue, mi raisin. Evan, il devrait arriver en sixième. Par contre, ça shoot. Je suis tout à fait d'accord. Ça shoot beaucoup. C'est-à-dire qu'Evan, tu vois, s'il était le backup plus d'un RG ou d'un poste 3 qu'on aurait à ce moment-là, et que tu fais rentrer et que tu dis, bon, il peut finir les matchs, il peut être starter de temps en temps, mais ta vraie place est sixième d'une équipe compétitive, je pense que c'est le rôle aujourd'hui d'Evan. Mais le problème, et je suis d'accord avec Alex, c'est que là, ça a des... En fait, Evan, je l'adore, mais on va le cibler un peu plus que Kemba, parce qu'en fait, le fait de signer Evan à ce contrat-là... C'est le même prix, ouais. Il a même duré. Ah, c'est 18 ans. Ah bah oui. Tu le mets starter, mais t'as pas signé, même si je suis pas fan, t'as pas signé LeBron ou Kawhi, tu vois. Donc t'as pas non plus signé un mec qui va te faire gagner le titre. Donc du coup, t'es obligé de décaler RG et t'es obligé de réajuster un petit peu ton équipe de l'année dernière. C'est-à-dire ton équipe de l'année dernière, t'avais Julius, scoreur, RG, second scoreur. T'avais un ailier qui, lui, avait qu'une possibilité, un poste 3 qui avait que le droit à shooter à 3 points et le reste était défendre. Et t'avais un meneur. T'étais nul, donc tu disais tu défends et de temps en temps tu fais des passes. Mais du coup, ça marchait un peu parce que tu avais une équipe qui était cohérente. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec Evan, tu as tout déstructuré, mais qu'Evan étant tellement irrégulier offensivement parlant, tu te dis merde, je déstructure tout pour lui, mais il m'apporte pas 30 points par match et en défense, il fait pas les minima. Et en plus, le poste 1 que j'ai à côté de lui, c'est la même chose. Donc tu te retrouves avec un déséquilibre. Et incroyable et qui est flagrant, c'est que là où je veux en venir, c'est que 80% des matchs qu'on a vus cette année, c'est notre seconde unit qui nous permet d'être dans le match ou de le gagner. Parce que notre sac majeur est tellement déséquilibré qu'en face, c'est régalade. Ouais. Il suffit qu'en face, il ferme à 3 points ou qu'on soit pas en réussite. Comme on défend pas, en général, à la fin du premier quart-temps, tu peux te retrouver à moins 15. Et puis au troisième aussi. Ouais. Et il n'y a même pas, et c'est ça le pire aussi, c'est qu'il n'y a même pas l'adresse. Bon, l'adresse, bien évidemment, c'est l'argument qui vient tout de suite expliquant notre déséquilibre et nos défaites, mais c'est surtout le défi physique. Et je trouve qu'athlétiquement, avec Kemba et Fournier, on avait grave perdu hein, par rapport à ce qu'on avait, parce que RG poste 2, t'as vu le monstre que c'est malgré tout, hein, que ce soit même en défense, tu vois, les traits dissuasif. Il peut jouer 2-3, mais... Il faut un cadeau que de défendre sur le poste 3. En plus, c'est RG, je suis d'accord avec Alex, et il est meilleur en 2, tu vois, et même en défense. Du coup, là, tu te mets en difficulté et tu te retrouves pas la chimie que tu avais l'année dernière, parce qu'en fait, tu as mis tes starters en difficulté et tu as mis ton franchise, qui était quand même Julius, en difficulté, parce que lui-même n'est plus dans le même rôle de l'année dernière. Donc, c'est très compliqué, en fait. En fait, en signant Evan, on savait aussi que niveau défensif, ça serait, il est pas complètement mauvais, mais voilà, qui pourrait essayer de se mettre dans le collectif. Par contre, ce qu'on attendait vraiment, c'était du scoring, une menace, et ça, on l'a pas en fait. Parce que ok, on était peut-être prêt à perdre un peu sur la partie défensive si on retrouvait une compensation, on va dire, sur la partie scoring et justement élargir le jeu et faciliter le jeu pour les autres. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas ça. Ah bah, le début de saison, on part comme ça en tout cas. Hein. Sur le au plan tout début, jeu, le premier le match jeu, ça... contre Boston, le Bing Bong et Yaitong Company, ça allait encore. C'était le 5-0. C'était la lune de miel, quoi. Voilà, 5-1, 5 machin, tout allait à peu près bien. Il joue bien que contre Boston hein, d'ailleurs, donc on l'attend ce soir. Ouais, et ça tombe bien, il y a deux matchs, voilà. Mais du coup, on était prêt à concéder un retrait sur la défense au détriment d'avoir plus de solutions en attaque. Et aujourd'hui, en attaque, moi je suis déçu parce que je le vois trop bloqué derrière l'ignée à 3 points. Quoi. Le basket, c'est pas que du 3 points. Ouais, ouais. Alors ouais, effectivement, si toi tu drives, si Julius va dans la raquette, si RG va dans la raquette, il y a un embouteillage. Mais voilà, il faut avoir cette alternance et il existe par son adresse. Des fois, il va faire des bons débuts de match où les paniers vont rentrer, ça va le mettre en confiance et il va finir avec sa 15-20 de points à la fin de la rencontre, donc pourquoi pas. Mais ça, c'est aussi assez irrégulier et quand les shoots sont pas là, bah du coup, il s'efface. Le problème, c'est ça, c'est qu'il s'efface et on a vu des choses terribles de genre... alors là, il avait fait un match où il met 20 points, mais il fait pas un rebond, pas une passe, pas une interception. Et puis le match d'après, c'est 0 points et en une vingtaine de minutes, quoi. C'est pas possible, quoi. Essaye de proposer des choses. Si les shoots rentrent pas, drive, va chercher des fautes, je sais pas. Il faut que tu apportes quelque chose, il faut qu'il y ait une contribution. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il reste dans le 5 majeur. juste par rapport à son contrat. Parce que c'est la grosse recrue, c'est là où on a chiné le plus gros chèque cet été, en dehors de la prolongation de Julius. Et c'est ça qui fait que bah, il a un rôle de titulaire de par son contrat. Mais moi, par rapport à son niveau de performance, je préférais qu'il soit dans la seconde unit, quitte à mettre un Burks dans le starting 5, pas un Burks au poste 1, mais tu mets un Burks en poste 3 et, oui. Et tu fais revenir Evan en remplacement, quoi. Contre Boston au premier match où il s'enflamme et tout, donc tout ouais, là, mais voilà, il y avait le côté lune de miel, ça voilà. Marchait. Et ça, on l'a traîné pendant 10 matchs. Du coup, on s'est dit non, mais voilà. Et donc, on a insisté. Et je suis d'accord avec toi. Et il fait des coups d'éclat par moment. Il y a des moments où ça y est, les shoots vont rentrer et tant mieux. Il est trop irrégulier, quoi. Ouais. Et on le paye. Et moi, c'est l'alchimie avec Julius. Je sens que les deux, ça marche pas, quoi. Ils se sont pris le bec à un moment sur une situation défensive contre quoi, Chicago, un truc comme ça. Bon, ça arrive dans un match, mais autrement, tu les vois rarement. Tu les vois jamais se checker. Ça se passe la balle, mais moyen, quoi. Hein. Je sais pas. Je pense que le courant passe pas. Et puis Evan, qui était plutôt assez loquace sur les réseaux sociaux, tout ça avant aussi. Alors c'est sûr qu'à Orlando, il y a peut-être un peu moins de choses à faire. Mais là, non. Très discret aussi là-dessus, hein. Ouais, mais après tu vois son attitude inerte. Là sur le dernier match, il touche vraiment le fond. Et en France, on est plutôt bienveillant par rapport à Evan parce qu'on sait le joueur que c'est. On l'a vu avec l'équipe de France, mais aux États-Unis, il se fait défoncer, hein. Et la bienveillance, les gars, faut pas oublier que ouais, ça fait que 4 mois qu'il est là. Donc bon, en même oui, temps, comment tu fais pour certain. On ne garantit pas que t'es plus la première option comme, ou la deuxième comme t'es à Orlando. Mais c'est, voilà. Tu vois, il va sur ses 30 piges, hein, c'est pas sa première saison NBA aussi, il a un peu de bouteille quand même, quoi. Donc, d'accord, mais bon. C'est... Ouais, mais après, il paye l'organisation qui est pas là. Evan, en fait, le problème, c'est que l'erreur, elle est là, pas que d'Evan. Parce qu'Evan, il a un style de jeu, tu le prends. Mais le problème, c'est que Evan, RG, Julius et Kemba, les quatre ensemble, ça clique pas du tout. Les mecs, c'est des profils un peu similaires sans être trop similaires, mais il n'y a pas de créateur réel, il n'y a pas de gros défenseur, donc c'est que des joueurs moyens plus. Avec un Randle qui est moyen bon, voire moyen fort, on va dire, et les autres moyens plus. Et du coup, bah, à un moment donné, quand ça bégaye, que ça ne défend pas, bah, ils se regardent. En fait, les gars, tu les vois sur le terrain, tout le monde se regarde. Mais c'est ça, et moi, la sensation que j'ai, c'est que personne n'a trouvé son jeu, quoi. Aussi bien Randle qui, sur le papier, évidemment, est notre leader, mais dans ses déplacements, dans la mise en place de nos attaques, c'est bizarre, quoi. Il y a un moment où ça s'arrête et pour moi, l'équipe cherche son identité depuis le début de la saison, et ça se voit par l'irrégularité des résultats collectifs comme individuels par rapport au mouvement de ballon. À chaque fois, on dit la seconde unit, ça tourne bien, et effectivement, le ballon tourne, le ballon est plus partagé. Ils ont tous trouvé leur place, notamment Topping, qui l'année dernière, on n'arrêtait pas de dire que parce qu'il n'avait pas trouvé son rôle, aujourd'hui, il l'a trouvé à merveille, moi, je trouve, son rôle dans la seconde unit. Finition et tout, ouais. Rose Quickley, parfait, c'est moi, j'attaque, toi, tu prends le shoot à 3, moi, je vais driver, toi, tu prends le shoot, les deux se combinent parfaitement, et Burks, quand il n'est pas titulaire en poste 1, le mec, quand il rentre, il a trouvé son truc. Soit je drive, soit je mets mon shoot, et en plus, un Noël ou un Gibson qui vient compléter, qui eux se met ça en défense. Donc tu as une seconde unit qui est parfaitement huilée. Chacun sa place, personne. Topin, à part quand de temps en temps il veut shooter à 3 points et que tu as envie de cracher dessus, mais voilà. Sinon, la plupart du temps. Remets ton masque. Ah, mais... Quand tu le vois shooter, tu te dis oh putain. Mais bon, voilà. Ouais. Et la plupart du temps, il apporte de l'énergie, il est au repas. Ils ont tous trouvé leur rôle. Et quand juste après, t'as les starting five qui revient, oh, mais c'est une purge. Ouais. En gros, tout simplement, ils n'arrivent pas à jouer ensemble, quoi. Et Thibodeau a dit, bon, les réseaux, machin, les gens, ils voudraient qu'on mette un tel de la seconde unit dans le starting five et ça va marcher. Bon, on a vu que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas juste changer une pièce ou deux dans le starting five, faut que les mecs arrivent à jouer ensemble. Et là, on est déjà à la moitié de la saison et c'est là où c'est inquiétant parce qu'on se dit, soit il y en a qui vont devoir vraiment être mis sur le retrait et d'autres plus responsabilisés, c'est ce qu'on a pu voir un petit peu par RJ Barrett là ces derniers temps, aussi par la force des choses, mais il va falloir qu'on vienne sur la pièce maîtresse, sur le Julius, quoi, sur le Julius Randle, quoi. Juste pour clôturer avec ça, nous on fait un truc en NBA, on fait des WVP, c'est ce qu'on appelle le plus mauvais le joueur. Worst. Voilà, le worst valuable player, et je fais ça pour chaque équipe et chaque joueur sur chaque journée. Donc ouais, c'est du boulot. Et pour les petits Knicks, Fournier et Walker, ils représentent chacun trois matchs où ils ont été les pires, donc d'un point de vue déjà statistique, ouais. Et en plus dans l'impact réel, etc., etc., etc. Bah, je l'ai relevé, Walker trois fois et Fournier trois fois sur 38 matchs. Voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Mais, non, non, mais, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup parce, ouais. parce que justement, les pièces maîtresses, elles font pire et je vous laisse enchaîner là-dessus, messieurs. Eh bien, enchaînons. Enchaînons. C'était la minute stat, la minute WVP. WVP. Là, non, mais là, du coup, on allait partir sur Randle, les gars. Il faut. Randle, alors, bon, on le disait en préambule, Randle cristallise un peu toutes les critiques, aussi, les gars. Aussi, aussi. Et à juste titre. À juste titre. Okay. Je le défends souvent, et c'est pas évident. C'est pas évident. Après, Julius aussi il s'est exprimé, il a dit, moi, tout ce qui se dit sur les réseaux, les médias, je m'en fous. J'en ai rien à foutre, je joue. Bon, ok, et ben, c'est peut-être pas plus mal, mais par contre, essaye de bien jouer, ça nous aidera. Non, il est critiqué parce qu'il est pas au niveau de l'année dernière, certains. Il serait au même niveau que l'année dernière, qu'est-ce qu'on aurait à lui reprocher, je sais pas grand-chose. Il essaye d'apporter, il essaye aussi, et il devait avoir pour moi de l'aide par rapport à des lacunes offensives, parce qu'il était ciblé, et on l'a vu en play-off. Et justement, le recrutement de cet été, c'est un peu une réponse par rapport à sa campagne de play-off où il est passé au travers, parce qu'il a été ciblé. Et là, sur ce début de saison, il est tout autant ciblé des défenses. Hein. Il a les prises à deux, il se les mange pareil, les shoots difficiles qu'il prend. Dès qu'il enchaîne deux dribbles, ça devient compliqué, ça sent la perte de balle. Donc les défenses, maintenant, elles savent comment réagir par rapport à Julius Randle. Tu lui mets une pression en défense, et il y a de bonnes chances que ça se finisse mal pour lui, et que tu récupères une balle. Quoi. Donc voilà, mais est-ce qu'il peut compter sur ses lieutenants pour l'épauler? Bah, pas tout le temps, quoi. Donc ça, c'est gênant. Ça n'empêche qu'il reste toujours le meilleur passeur de l'équipe, hein, on a beau dire. La saison dernière, il tournait à peu près à 6 passes de moyenne, ce qui était énorme pour son poste. Il avait fait un énorme step-up. Là, je regarde, il est à 4-9, donc il est presque à 5 passes par match. C'est le meilleur passeur de l'équipe. Donc ça veut dire encore que le jeu pèse essentiellement sur lui, passe essentiellement sur lui. C'est toujours l'option numéro 1, qu'on le veuille ou non. Il n'est pas gêné par le contrat. Puisqu'il a signé le contrat d'extension, voilà, ça c'est pas un truc qui le fait cogiter, mais moi je pense que c'est la volonté d'intégrer les autres et le fait que ça marche pas avec les autres, dont Evan Fournier, dont Kemba Walker aussi, qui l'a déchargé de certains ballons, mais du coup il voyait plus les ballons. Julius Randle, il joue pas tellement loin du ballon, quoi. Il a besoin du ballon pour s'exprimer. Donc il y a des jours où ça va rentrer, il y a des jours où ça va pas rentrer, où il va nous faire des bouillies de basket, où il va nous perdre des balles sur des balles. Donc ça, c'est le Julius qu'on aime pas voir, c'est le Julius d'il y a 2 ans. Mais voilà, il y a aussi son implication défensive. Alors ça a jamais été un grand défenseur, hein, faut pas. Il était pas beaucoup plus impliqué défensivement, et puis c'est aussi un fantasme, je pense, de beaucoup de gens, de se dire ouais, le joueur il doit être fort des deux côtés du terrain, quoi. Et alors moi j'ai jamais joué en NBA, hein, je vous rassure, mais quand tu joues à fond l'attaque, c'est difficile aussi d'être aussi lucide en défense, quoi. Bon, mais c'est la tendance, le two-way player, c'est toujours intéressant d'en avoir un. C'est intéressant, mais est-ce qu'il en est rendu à ce niveau-là, sur ce stade de la carrière, et avec la pression qu'il a, parce que c'est l'option numéro 1, c'est par lui que passe l'attaque, mine de rien, par lui que passe la création, quand on regarde son nombre de passes. Voilà, c'est compliqué d'être à 100% sur un volume de temps de jeu aussi assez conséquent. Hein. Et puis l'attente, les pressions, quoi. L'idée, c'est toi le leader, c'est à toi de faire gagner l'équipe et d'intégrer les autres et de ramener l'équipe encore en play-off. Et voilà, ça fait beaucoup de pression sur un seul homme. Voilà. Et beaucoup de questions aussi. Et c'est l'une des questions que je me pose, et que je vous la pose pour le coup, les gars. Je vais même pas titiller le fait que ce soit le franchise player ou pas. On va dire que ça l'est, qu'on le veuille ou non. Mais c'est surtout sa capacité à pouvoir mener justement une équipe à la gagne, mais mener côté leadership, en fait. C'est ça. C'est pas un leader vocal. Hein. C'est pas vraiment un leader vocal, Julius, quoi. On parle souvent du body language. Alors quand on le voit en conf de presse après une défaite qui tire la tronche, ok, mais bon, c'est pas ce qui choque encore. Tu vas pas te marrer, quoi. Mais c'est sur le terrain. C'est pas lui qui rassemble les joueurs et tout. Mais ça, il le faisait pas vraiment la saison dernière non plus, où il marchait sur l'eau, quoi. Il est plutôt dans c'est un côté vaillant de je veux aller au charbon en attaque, je veux aller au contact dans la raquette, tout ça. Voilà, quoi. Il a envie d'apporter sa contribution, mais il va pas rassembler ses gars avec lui, quoi. Il va pas rassembler ses gars avec lui. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette âme-là dans l'équipe. Peut-être éventuellement Taj Gibson, mais comme on l'a dit, c'est pas vraiment à lui de le faire sur le terrain non plus, parce qu'il n'est pas censé être sur le terrain, Taj Gibson. Donc, c'est ce défaut de leader sur le terrain, quoi, de patron, quoi. Ouais, hey, voilà. Toi, Juju, qu'est-ce que t'en penses de Randle? Ah, je suis un petit peu plus indulgent, même si il est quand même clairement en retrait. Hein. Le truc, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, le problème, c'est que le 5 majeur, lui, c'est pas bon, c'est-à-dire que ça clique pas. Fatalement, Julius est impacté par ça. Son rendement, on est impacté. C'est-à-dire que Julius, c'est pas un... On en a déjà parlé, enfin, moi, j'ai déjà donné mon avis plein de fois, c'est pas Jordan, c'est pas Kobe, c'est pas un scoreur naturel, ou Carmelo, si on parle offensivement parlant. Il n'a pas la facilité de ces joueurs-là à scorer naturellement. C'est un besogneux. Julius, c'est un joueur qui évolue année après année parce qu'il est courageux, parce qu'il travaille, parce qu'il baisse la tête. Après, il a les défauts de ses qualités, justement. En attaque, il a tendance à baisser la tête, à faire son fameux move qui sert à rien et tout. Son spin move. Il a tendance un peu à s'enfermer. Maintenant, c'est un joueur qui est ultra complet. Passe, rebond, un peu de contre et tout. Que quand il n'a pas été là, l'équipe n'a pas mieux tourné, voire moins bien tourné. Que quand on était fort, c'est parce que c'est la plaque tournante et qu'il apporte vraiment ça, qu'il fluidifie le jeu. Que de temps en temps, il se tape un rôle ingrat et que c'est pas non plus un gars qui va râler parce qu'il n'a pas le ballon pendant deux quarts temps en début de match. Et ça, c'est important de pas avoir cette mauvaise mentalité. Maintenant, il a baissé clairement aussi. Il a eu un petit peu de mal peut-être à digérer aussi sa saison All-Star. Et en plus, comme l'équipe ne tourne pas autour de lui et que du coup, il a eu aussi du mal à... Et que bah, c'est le franchise, mais comme tu le dis, tout le monde sait que c'est pas LeBron, c'est pas Kawhi, c'est pas Kevin Durant, donc les autres joueurs naturellement sont un petit peu, lui disent ok c'est toi le franchise, mais sont pas complètement là en train de se dire le mec il nous domine, tu vois, ils font pas une allégeance auprès de lui totale, donc du coup c'est un franchise bis, ouais. Donc ça aussi. Donc du coup, tu as du Kemba, du Evan ou du RJ qui va tendance à avoir un peu tendance à croquer. Et du loup, ça passe ce leadership, son aura naturelle. Et il l'a payé sur ce début de saison. Mais voilà. Mais si aujourd'hui, on veut retrouver notre base, on a besoin totalement de Julius. Et je pense que Thibodeau le sait. Et lui mettre Kemba et Evan dans les pattes, au final, ça n'arrange pas Julius. Parce que bon, avec RJ, ça va... Ils ont pas de ils jouent pas dans la même zone, ils peuvent. Le problème, c'est qu'avec Kemba et Evan qui ont tendance à bien tripoter la balle, et Julius a quand même besoin aussi de cette balle en tête de raquette ou en sortie de zone. Le problème, c'est que Julius, il l'a pas. Et Julius, il a besoin de ça. Comme les autres sont pas non plus forts et que n'ont pas non plus trouvé à fluidifier le jeu, notamment Kemba parce que c'est son rôle. Julius reçoit quasiment pas de passes décisives de Kemba, tu vois. Donc Julius, la plupart des points qu'il va marquer, c'est de l'isolation dégueulasse. Ou c'est un rebond off, ou c'est je prends mon shoot à 3 points parce que j'ai eu la balle très rapidement, et voilà. Et c'est dommage. C'est dommage de ne pas pouvoir jouer sur ses qualités. Il aime bien jouer au large aussi. Il s'est découvert un shoot à 3 points. Ouais, moi, je me rappelle de cette histoire en début de saison où il a dit « Tiens, je vais parrainer telle association, telle école, l'école de Earl Monroe, et à chaque 3 points que je vais mettre, boum, ça sera $500. » Mais ça, il s'est foutu une pression inutile en fait par rapport à ça, parce que du coup, il se dit « Tiens, je vais scorer beaucoup à 3 points. » Alors qu'en fait, sa force première, c'est son physique, et c'est pas vraiment à 3 points qu'elle est utile, cette force-là. C'est dans la raquette. Il y a un autre problème, c'est son duo avec Mitch. Je suis désolé. Mais les postes 4, le poste 5 doit se faciliter grandement la vie. Et Mitch ne l'aide pas non plus. Quand il est là, quand il est avec Noël, ça clique largement plus. Parce que Noël fait le rôle du poste 5. Il n'a pas beaucoup de Noël. Mais en tout cas, ouais, moi j'ai l'impression qu'il se marche sur les pieds en jouant au large avec Evan et Kemba. Et donc du coup, ça le frustre. Et il n'a pas les ballons. Il voudrait aider. Il voit que ses collègues ne foutent pas dedans. Et c'est frustrant, quoi. C'est frustrant, quoi. Et tu l'as souligné aussi tout à l'heure, Juju. C'est le côté où on sent la fatigue mental, ouais. En fait. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Jamais blessé, jamais absent, pas de Covid, rien. Il a porté l'équipe à lui tout seul, parce que exactement. RG a été un coup bien, un coup pas bien, deux coups pas bien, un coup bien. Si on fait la saison qu'on fait la saison dernière, c'est Julius. Après, Derrick Rose aussi, mais voilà. Le mec, il a un contre-coup en début de saison, et le problème du contre-coup en début de saison, c'est qu'il s'est peut-être dit, ah, j'ai des nouvelles pièces qui vont m'aider. Pas... Alors, ce que je vais dire, c'est pas je le compare à LeBron, mais style un peu LeBron en début de saison, le mec va dire je vais me reposer un petit peu sur les autres gars qui vont m'aider à porter l'équipe et je vais monter en régime sur la saison. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça. Ouais, mais c'était le but du recrutement de cet été, quoi. Et là, il a pas pu le faire. Était de le décharger de cette pression offensive. Et en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, il est ciblé par les défenses. Donc, il est ciblé par les défenses. Ouais. Ses collègues qui sont, on va dire, un peu plus libérés, qui devraient pouvoir mettre les points en compensation, les mettent pas, quoi. Donc, merde, c'est plus compliqué de scorer et je peux pas compter sur mes gars de mon 5 pour apporter les points que j'arrive pas à mettre facilement, quoi. Donc, c'est une situation compliquée. Alors, en fait, Julius, il a le délit de sale gueule depuis qu'il est arrivé au Knicks, hein. Faut pas se mentir. On parle un peu, on met des guillemets autour du terme de franchise player. Parce que du coup, quand on envisage dans l'inconscient collectif franchise player, on pense mégastar, on pense KD, on pense Curry, voilà, des mecs, il y en a 5, il y en a 10 dans la ligue, réellement à ce niveau-là. Juju, c'est pas à ce niveau-là qu'il est aujourd'hui, c'est le leader de l'équipe. Par faute de mieux, il a fait il a tenu ce rôle la saison dernière, voilà, All-Star, MIP, super. Ça reste aujourd'hui toujours le leader parce que c'est par lui que ça passe, parce que le projet, les joueurs qui ont été recrutés, c'est pour être en complément de Julius, et c'est pas Julius qui est en complément d'Evan Fournier, c'est pas Julius qui est en complément de Kemba Walker, c'est pas Julius qui est en complément de RJ Barrett, hein, y a peut-être un rôle Batman-Robin entre les deux, mais voilà, pas encore, RJ a pas encore pris le dessus par rapport à Julius, quoi, en termes de niveau et de tout ce qu'il apporte. Donc c'est lui aujourd'hui le leader de l'équipe, c'est lui le leader du projet, on voit que Thibodeau le soutient toujours. Mais voilà, il n'est pas à un niveau de star, de franchise player tel que des gros noms de la ligue. Et par contre, il a le big market, il a le big market de New York, la pression qui va avec, quoi, par contre. Ça, c'est certain. Et les médias le tiennent aussi responsable de la méforme de l'équipe, quoi. Mais justement, soyons fiers d'avoir un joueur qui n'est pas une superstar. Moi, c'est pour ça que j'aime Menix aussi là dernièrement, c'est que justement on n'a pas plié face justement au KD ou au LeBron. Bon, en même temps, ils ont peur de venir aussi chez nous. New York, c'est très spécial, etc., etc. Mais soyons fiers que Randle ait ce statut-là. Maintenant, effectivement, LeBron, il choisit ses coéquipiers. Randle, non. Après, on peut voir des qualités ou des défauts, mais je préfère avoir cet esprit-là et soutenir une équipe, clairement. Mais encore faut-il avoir une équipe et avec un maître d'orchestre qui s'appelle Thibodeau, donc soit un vrai coach, parce que si tu me parles de Fizdale, c'est pas un vrai coach. Mais bref, on a les deux. On a Randle, qui est une base plutôt très très intéressante. On a Thibodeau, qui vient agrémenter tout ça. Mais sauf que derrière, ouais, comme vous dites, il y a eu des erreurs de casting. Moi, je veux juste revenir par rapport à Randle. Mes WVP, là, vous savez, les trucs que je fais, là. Est-ce qu'il est ressorti souvent là-dedans, là? Alors, sur 38 matchs, les gars, il est ressorti 8 fois. Donc, c'est assez conséquent. Mais il y a pire encore. Mais je vous laisse la surprise. Mais tout ça pour dire que moi, Randle, honnêtement... Canadien, non? Ouais, tranquille. Mais il y en a pas plusieurs des Canadiens chez nous. Mais il n'y en a plus qu'un. Mais tout ça pour dire que Randle, moi je voulais le juger en année 3. Eh bien écoutez, on est en année 3, messieurs. Donc, elle n'est pas finie. Oui, mais vas-y, on est en année 2. Elle est morte, mais... le 2,5, il correspond pile au milieu de ce qu'il a donné la première année quand il est venu chez nous, avec Marcus Morris, etc. etc. Et l'année de feu qu'il fait l'année dernière. Pour moi, il est clairement au milieu. Mais sauf oui, parce qu'en fait, la première année, Maurice, il prenait beaucoup le ballon aussi. Donc, le leader qui était à ce moment-là, est-ce que c'était Marcus Maurice ou est-ce que c'était Julius Randle? C'était moins clair, moins lisible, je trouve. Et je pense que c'est ça qui fait aussi défaut à Randle. Et pour aussi cette année, ce qui peut changer la donne pour Randle, c'est que peut-être, donc il dit qu'il n'écoute pas les médias, mais peut-être qu'il s'est dit, ah, j'ai fait une année All-Star l'année dernière, vas-y, je vais continuer sur ma lancée, je vais pas spécialement changer de délire. Moi, je le vois trop shooter en ISO, et trop shooter à 3 points. À un moment donné, là, il abuse. Autant la première année, quand on l'a vu, il abusait dans la raquette à faire ses yeux. C'est spin qui spinait nulle part, mais... Voilà, exactement. Et ben là, écoute, il fait pareil, mais de loin, mais dans un autre registre. Donc après, c'est du calibrage. Il est brouillon, comme le reste de l'équipe. L'année dernière, il s'est mis au diapason de l'équipe, qui était une équipe solidaire, besogneuse et tout, à l'image de Julius. Et comme tout le monde était comme ça, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, Alex. Le gars, et on en avait parlé d'ailleurs l'année dernière, si vous vous rappelez bien, le gars était différent, c'est-à-dire qu'on n'avait pas l'impression qu'il forçait. On a souvent dit, il laisse avec les autres. Ouais. Il laisse le jeu lui venir. Tu voyais qu'il sortait la passe quand il fallait et tout. Et c'est vrai que là, on a quand même tendance à le retrouver dans certains travers, parce qu'on l'a expliqué autour de lui, c'est aussi un peu dégueulasse. Donc du coup, il se renferme en se disant, moi je vais forcer mon shoot, je vais faire ceci, parce que les deux autres là-bas, les lampins, ils vont shooter pendant 10 fois et puis ils vont mettre 9 briques. Donc il revient dans ses travers. Alors que l'année dernière, quand les starters, ça roulait, on en a déjà évoqué plein de fois, le mec se disait, en face de moi, à côté de moi, ça roule, au lieu de faire mon fameux spin de merde ou des trucs comme ça, le ballon. Mais on le voyait plus, il y avait une meilleure complicité sur et en dehors du terrain avec Reggie Bullock. Reggie Bullock, c'est peut-être pas non plus un joueur extraordinaire en termes de stats. Faudrait regarder, faudrait comparer. Evan apporte un petit peu plus que Reggie cette année en termes de points. Mais ils s'entendaient mieux les deux, quoi. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait la fameuse conf de presse en fin de match, machin, où ils avaient parlé d'un Big 15, quoi. Donc voilà. Là aujourd'hui, est-ce qu'on voit des interviews d'après match, même les soirs de victoire, où Julius n'est pas tout seul au micro? Bah non, il est tout seul au micro. Chacun se passe à son tour. Et il y a de moins en moins de fuites aussi sur des potentiels joueurs qui poussent à l'entraînement. Et ça aussi, parce qu'il y avait les fameuses séries de photos de « Ah tiens, ils ont gagné, mais ils sont encore en train de shooter après match. » D'ailleurs, à propos de ça, Lolo, Thibaudot, on a mis une charge sur un certain R.J. Barrett l'autre jour. Belle transition. Bah, tu vois, Joanie, tout à l'heure, parlait de Batman et Robin. J'aimerais bien qu'on parle aussi de Robin. Là. Vas-y, lâche-toi, Julien. Moi, la chose qui est... On va en parler vite fait. Moi, je voulais juste R.J., j'aime plutôt le bonhomme, il est sympa et tout, mais moi cette saison il me déçoit fortement, dans la mesure où il n'y a pas vraiment de step-up, il est capable d'être transparent, mais alors transparent parce qu'aujourd'hui, Julius est notre franchise, l'avenir c'est censé être RJ, on est tous d'accord que Julius il essaie, il a une durée de vie de 3 ans en tant que franchise des Knicks, et après normalement RJ est censé prendre un step-up ou quoi que ce soit, enfin c'est ce qui était prévu, qui sera peut-être pas le cas, alors on est souvent indulgent avec RJ. Mais RJ, c'est souvent dégueulasse quand même. Alors hier ou avant-hier, il sort d'un super match. Ouais, j'ai bien aimé ses derniers matchs. Mais c'est pareil, je le trouve, il shoot trop à 3 points pour moi. Là, je vais pas être d'accord avec toi, c'est que j'ai l'impression de un jour sans fin. C'est-à-dire que RJ, pendant 12 matchs, il va nous, on va dire, il est nul. Il est très rarement décisif ou quoi que ce soit. Donc oui, ça arrive de temps en temps. Et puis c'est bien pour un joueur que tu as dans 3ème position avec le potentiel qu'il est censé avoir. Mais voilà, à un moment donné, RJ, c'est souvent dégueulasse. Donc, il est quand même très, très en dessous des attentes. J'espère qu'il va rééquilibrer son jeu aussi. Et moi, pareil, je trouve qu'il est n'utilise pas assez sa force, qui est le drive. Il ne rate pas beaucoup de fautes non plus. Donc, quand ça rentre pas et que tu prends pas les fautes... Son drive est super lent. Il est super lent. Il n'est pas mobile du tout. Il a que 22 ans. Je ne sais plus quel âge il a. Il est 21-22. Il est super lent. Après, tu n'as pas besoin d'être non plus un dragster et finir dans le décor à chaque fois. Je veux dire, la vitesse fait pas tout non plus. Il y a le contrôle et la maîtrise. Il est pas très habile. Ce que je veux dire, c'est qu'il a un petit shoot à mi-distance. Pour un gaucher qui arrive à se finir main droite, je suis pas d'accord. C'est un gaucher, mais c'est pas Ginobili. Enfin, ce qu'il fait avec la balle, RJ, c'est lent. Non, je suis d'accord, mais il dégage quand même une certaine capacité athlétique qui fait qu'il prend le dessus athlétiquement. Moi, je trouve que c'est un faux semblant. Tu vois, il est costaud, il est gainé, il est costaud et tout, mais je le trouve pas hyper affiné. Moi, je reste sur les matchs où il était le leader parce que Julius était en protocole, et sur le dernier match contre Indiana où il fait une belle prestation, où il attaque le panier, il ne se cantonne pas à faire du 3 points et il attaque pas contre une raquette de Minus. Hein. On a parlé de Poussin tout à l'heure, il y avait quand même du Sabonis, du Turner. Quoi. Donc quand tu vas t'attaquer ce genre de raquette, bon, faut avoir l'envie et l'ambition de finir. Et il a fini. Quoi. Donc j'espère qu'il va plutôt rééquilibrer son jeu de la sorte. En fait, là, j'ai les stats vite fait sous les yeux. Là, en saison rookie, prenez 3,5 shoots à 3 points, bon, admettons, 4,3 en saison 2 et 5,4 cette saison. Donc il shoot de plus en plus à 3 points. Mais il a été mis en poste 3, c'est normal. Et il a été décalé, ouais, c'est ça, il a été décalé et du coup il prend plus de shoots et il en met moins. Donc ça va pas, il faut rééquilibrer ça. Est-ce qu'on rééquilibre le 5 majeur? J'en sais rien, Thibaudot a pas l'air de savoir non plus, mais en tout cas dans les attitudes, dans ce que proposent les joueurs, il faut qu'ils réévaluent leur jeu aussi. Quoi. Tu parles d'un bon RJ dernièrement, mais pourquoi il a été bon? Parce que Fournier, il a été décalé poste 1, clairement. On s'est retrouvé à des matchs, là, les derniers matchs, donc il tenait pas spécialement la balle Fournier, mais en tout cas, il avait sa place, et c'est pour ça qu'il a réajusté son jeu. Donc, non, mais c'est tout simplement... Parce que Evan a été mis en retrait, ouais, tout à fait, ouais. Et voilà. Mais du coup, il y a un problème, on voit qu'il y a un problème au niveau de... Tu laisses le naturel revenir, et RJ, bizarrement, il est bon, parce que justement, il redrive dans la raquette, il reva chercher le panier, il reva chercher la faute, il s'écarte plus comme avant, et quand il s'écarte, voilà les gars, mes WVP, bah ouais, c'est Barrett. 9 fois, je l'ai noté, et effectivement, c'est des purges à 3 points, et c'est des purges globales, mais t'as l'impression quand même que Thibodeau, il pense à le upgrader, et il veut en faire un two-way player, sauf que ça va mettre du temps, les gars. ça va mettre du temps. Et puis après, ils montrent des belles choses en défense. Il ouais, n'y a que 21 ans aussi, hein. faut relativer tout ça. Mais bon, ce qui me gêne, c'est que... Moi, je suis quand même assez déçu, parce que c'est toujours la même chose. C'est toujours 10 matchs très moyens, 5 matchs bien, 10 matchs très moyens. Et ça fait 3 ans que c'est ça. Il n'y a pas de régularité, tu vois. Et c'est qu'il est capable... Le problème d'Hergie, c'est qu'il a des trous d'air qui sont phénoménaux. Enfin, je ne sais pas si tu imagines, il y a des fois où il est nul. Enfin, je veux dire, il a... On les voit les matchs, hein. je te rassure. Ah ouais. Je te rassure. Le problème, c'est que pour un joueur qui est censé être si important dans l'équipe et si truc, il a quand même beaucoup. Enfin, il est quand même. Fournier, ok, il est sur un alternatif ou un courant alternatif et tout, mais Hergie, c'est quand même ton futur. Il est tout le temps sur courant alternatif. Il a une sorte de nonchalance. Un truc... Enfin, c'est. Ouais, c'est après, compliqué. C'est les joueurs, tu vois. Il a toujours cette attitude un peu endormie tout le temps, quoi. Mais là, tiens, aujourd'hui, tu le vois vraiment construire avec Hergie. Aujourd'hui, la question, elle est là. Ah, pour moi, ouais. Aujourd'hui, il fait partie du projet. C'est une pièce maîtresse du projet. Après, ce qu'il deviendra dans 4-5 ans, j'en sais rien, tu vois. Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est impossible de prédire à l'avenir. C'est un joueur qui voulait axer sa progression sur la défense. Est-ce qu'il deviendra une sorte de Jimmy Butler? Pourquoi pas? Après, il y a encore du boulot, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais en tout cas, ça pourrait être ce type de profil de joueur qui puisse à la fois être impactant défensivement, parce qu'il est assez costaud quand même, et puis être capable d'apporter du scoring de façon régulière. Tellement moins explosif, tu vois. C'est une pseudo-comparaison, hein, voilà. Ça sera jamais un joueur rapide, hein, ça. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que, tu vois, il avait un petit peu compensé son début de saison, enfin, du moins, il avait compensé ses, entre guillemets, sa petite disette offensive, ou son irrégularité offensive. De la défense, quoi. Franchement, début de saison, il était pas mal dans. Il était dans beaucoup de discussions concernant le fait qu'il tienne en fait l'équilibre. Ça s'est estompé avec les résultats de l'équipe aussi qui ont été. Voilà. Ah, il s'est écroulé en même temps à l'image du collectif en fait. Hein. Lui, il a vraiment besoin que ça tourne bien autour de lui, quoi. Donc, c'est qu'en fait, on a aujourd'hui la NBA, c'est bien, hein, le collectif et tout, c'est génial, mais on joue à NBA, on n'est pas en Euroleague, on n'a pas un joueur qui peut briller sans le collectif. Nous, on n'a que des joueurs qui brillent que si le collectif est bien huilé. Le collectif n'est pas bien huilé, il n'y en a aucun qui est capable réellement de se... À part Derrick Rose, à la rigueur, qui est capable de se dire « Autour de moi, ça ne tourne pas, c'est pas grave. Moi, j'emmène les autres. » On n'a personne qui est capable d'emmener les autres. Il l'a fait, sur le dernier match, en tout cas, il l'a fait. À voir si ça s'installe dans le temps. Je te parle là en 3 ans, je te parle depuis ce qu'on voit là. Mais 3 ans sur une année rookie tronquée, sur... Voilà, c'est aussi, il faut... On n'a aucun joueur, je te parle, on n'a aucun joueur qui est capable de tirer vraiment le collectif par le haut. On a Julius, qui est un facilitateur et qui est quelqu'un qui peut huiler et tout, mais il ne tire pas le collectif réellement par le haut. C'est vraiment un joueur... Moi, je pense que Julius, c'est un formidable lieutenant pour une superstar. C'est vraiment le lieutenant. C'est ce que disent beaucoup, mais la superstar, elle ne viendra jamais. je te dis pas ça, mais il faut aussi être réaliste, c'est qu'aujourd'hui on a que des lieutenants et que en NBA il y a un moment donné sur certains matchs t'as besoin d'un mec. Ah bah t'as besoin de savoir qui est ton go-to guy pour finir. Démarre DeRozan, je suis pas fan du joueur, mais le gars à Chicago leur apporte ça. Et Lavine n'était pas forcément si fort que lui, mais en ce moment, c'est le tueur, c'est DeRozan qui leur permet aujourd'hui de step up. Joe, t'étais le premier à dire que Chicago est mal recruté. Bah, moi, je suis d'accord avec. J'ai dit ça sur un podcast, moi. t'es ciblé avec les joueurs. Ça au montage, je m'en fous, moi qui fais le montage. Non, mais bon, petite parenthèse, Chicago très bien leur réussite. Et effectivement, DeRozan, il était décrié, il fait une saison de feu, voilà. Il sera dans la discussion pour le MVP, même si ça va peut-être compliqué. Mais voilà, est-ce que les gens étaient sûrs et certains que ça allait cliquer de fou avec la Vine? Non, et tant mieux, quoi. Tant mieux pour eux. De toute façon, la NBA, tu ne sais jamais comment ça va se passer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit l'année dernière aussi, on a des bons mecs, on a des trucs, mais on a que des all-around players, on n'a pas de tueurs, on n'a pas de gars à qui tu vas être sûr de dire ça, la balle est chaude, je vais lui passer. Le seul qui faisait ce rôle-là, c'était Derrick Rose, qui avait franchement dans le 3ème, 4ème quart temps, souvent c'est lui qui faisait des drives intéressants, qui apportait ce dynamisme. Ah, c'est la raison qu'il finissait les matchs et qui a basculé dans le 5. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, ni Hergie ni Julius, je pense, n'ont pas ça en eux. Je parle même pas d'Evan et Kemba, je pense que nos deux pièces majeures, Julius et Hergie, n'ont pas ça en eux. Et que nos victoires, tu les as sur un collectif quand tout le monde se bat et tout, mais qu'en NBA, pour franchir un cap, tu as besoin d'avoir un tueur dans ton équipe, mais d'un celui-là, gars. Celui-là, on l'a pas encore et je pense que ça sera pas cette année qu'on va l'avoir. Faut pas se faire d'illusions, c'est pas la trade deadline qui va nous apporter tout ça. D'ailleurs, les gars, pour passer à à la troisième phase, parce que là, je pense qu'on a... On avait beaucoup de choses à dire, et on a toujours beaucoup de choses à dire. Ouais. Effectivement, on a fait le tour un peu là des joueurs qu'on voulait évoquer, là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, la trade deadline arrive le 10 février, c'est bien ça, hein, Johnny? Oui, j'ai appelé Léon Rose, il m'a confirmé, ouais. D'accord, donc tu l'as eu par texto, tout va bien. Et donc, du coup, est-ce que tu vois quelque chose bouger ou pas? Donc, là, les seuls ajustements qu'on a, évidemment, c'est par rapport au forfait Covid. Ouais. Hein. Pour l'instant, c'est des petits moves, mais... Ouais, voilà, là, on met du plâtre sur le protocole Covid, mais est-ce qu'il faudra s'attendre à quelque chose en février? Je pense pas qu'il y aura de gros moves, hein. Faut pas se faire d'illusions. C'est très rare qu'il y ait des gros moves qui, en plus, viennent révolutionner une équipe, et puis boum, ça y est, tu fais un playoff push de fou. Voilà, la saison dernière, on l'a vu, hein. C'est un petit peu avant la trade deadline qu'on fait des ajustements avec Derrick Rose. Il y a des noms qui circulent depuis un moment, Miles Turner, ça a évoqué un peu aussi Eric Gordon, qui est dans une situation un petit peu compliquée à Houston, enfin Houston qui est dans une situation compliquée. Je pense que ça sera plus des petits moves, des petits ajustements. Alors qui va sauter? Evan Fournier est ciblé, mais son contrat, c'est pas évident de le bouger parce qu'il en est au son début de contrat, et puis le niveau de jeu qui présente ces derniers temps est pas folichon, quoi. Il semblait qu'il y avait pas mal de joueurs à être disponible sur le marché côté Pacers, mais bon, qu'est-ce qu'on a à donner? Des tours de draft, ça, on en a plein. Est-ce qu'on est prêt à lâcher du IQ? Est-ce qu'on est prêt à lâcher du Topin? Est-ce qu'on est prêt à lâcher du RJ Barrett? Je pense pas. Les rookies qu'on a pu voir un petit peu par moment, Quentin Grimes, Mike Bride, tout ça, pourquoi pas? Mitch Robinson, beaucoup voudraient s'en séparer, d'autres pensent que ça peut être un avenir au Knicks. Le problème, c'est qu'il a un contrat qui est relativement faible, parce que c'est un second tour. Donc ça, pour le trade, tu vas pas récupérer, enfin, il faut attacher plein d'assets autour, quoi. Ça fait pas le poids, malheureusement, au niveau contrat pour faire quelque chose d'intéressant, un package intéressant. Donc je pense que ça va être compliqué, faut pas s'attendre à des mouvements de foufou, quoi. On a récupéré des mecs par rapport à des contrats, là, des thèmes des contrats. Là, il y a Ryan... je sais plus comment on prononce son nom là. Ouais, voilà, t'as son maillot déjà, c'est bon. Non, je reste sur Brest des Kiss, hein, c'est pas très bien. mais voilà, donc il y a eu ces petits moves là, faut voir ce que ça vaut. Derrick Rose, il va pas revenir tout de suite, hein, on en a parlé sans trop détailler, mais c'était 2 mois d'arrêt après sa opération à la cheville. Là. Kemba Walker, c'est les genoux qui couinent un petit peu en ce moment, donc quand est-ce qu'il va revenir, comment, est-ce qu'on va le trade après, c'est curieux et c'est compliqué cette saison de maintenant de refaire un trade sur Kemba Walker alors qu'on l'a sorti un moment au joueur de la semaine, donc compliqué, j'ai bien peur que ça soit des petits mouvements à la marge. Kevin Knox, voilà, la ressortie, l'avenir ne s'inscrit pas au Knicks pour Kevin Knox, hein, c'est certain, depuis la saison dernière. Hein Kevin Knox, allez, tu sais bien, le numéro 20. Kevin Knox, il a été dans tous les packages, mais malheureusement... Ah bah, à chaque fois que tu fais une simulation sur la trade machine d'ESPN, là, il est dedans d'office, hein, de toute façon, mais voilà, c'est faut pas se voiler la face... ça peut pas être l'élément principal d'un trade. S'il se retrouve dans un package, tant mieux pour lui, comme ça il ira essayer de s'épanouir ailleurs et avoir un peu du temps de jeu, mais voilà, l'avenir s'écrit pas au Knicks pour lui, et bref, donc non, je pense qu'il va falloir vivre avec cette équipe et que cette équipe va devoir vivre et trouver des solutions par elle-même. Est-ce qu'on serait prêt à lâcher un Alec Burks qui pourra aller filer un coup de main à un contender et puis récupérer je sais pas quoi en retour? À voir. Mais voilà, on sera obligé de lâcher quelque chose pour récupérer peut-être une petite pièce d'ajustement, mais c'est plus de la défense dont on a besoin que de l'attaque aujourd'hui. Et ça court pas forcément les rues. Robert Covington, éventuellement? Allez, pourrait être intéressant, mais... J'allais en parler, tu vois. Putain, tu me... Mais à quel prix? C'est 13... Oubliez les Damian Lillard, les Ben Simmons, tout ça, oubliez 13 millions, ça. 13 millions, il faut dire que c'est un peu le bordel aux Blazers aussi. Ça le commissionnaire, il pourra témoigner si vous lui en parlez. mais je me permets de prendre la main. Vas-y, si t'as des idées de trade. Ouais, parce que j'ai sorti la trade machine, là, les gars, juste pour vous. Non, blague à part, comme tu dis, il faut du move, de la défense à l'intérieur. Maintenant, est-ce que ça va se faire? On a l'habitude de rien faire, donc en soi, moi, je m'attends à rien. Donc, moi, j'ai deux ou trois scénarios sous la main, là, parce que Robinson, c'est plus possible. Donc, effectivement, tu lâches les 2 millions. Knox, bah, tu les rajoutes dans le deal. T'es à 7 millions et quelques. Bon, mais derrière, effectivement, t'as pas grand chose. Donc, ouais, il y a. À ce prix-là, t'as plus rien en NBA aujourd'hui. Ah, t'as des tours de draft que tu compenses dedans, mais bon, après. On a encore un gars sous contrat chez nous, mais qui joue plus depuis très très longtemps. Joachim, numéro 13. Un Français. Effectivement, son contrat expirant, c'est 6,43. Alors, je sais pas si c'est tradable, mais si on le rajoute, ça fait en gros, on a 14 millions à lâcher, mais on garde Fournier, donc ça peut être cool aussi. Mais ouais, il y a des gars comme Covington, t'en parlais. Il y a des gars comme t'as des Huchong, hein, ouais. Un peu perdu. Moi, je prends aux Spurs directement. Il y a aussi Dario Saric, qu'on n'entend pas, qu'on voit pas trop. Je prends aussi à 9 millions. Et Daniel Tice, pareil, 8 millions. Donc, c'est pas des trades. Tu l'aimes bien, lui. Tu l'aimes bien, lui. Ouais, mais non, mais ça fait. En fait, on a besoin d'un truc à l'intérieur parce que on parle de Randle, mais Randle, c'est bien, c'est mignon. Mais bon, bah voilà, il y a que lui. On est dans la même configuration que l'année dernière. Robinson, il est au chou. Et de toute façon, moi, je veux le trade. Donc, s'il se barre, il faut une rotation. Ça te va bien. Gibson, c'est pareil. C'est Gibson et Rose qui tiennent l'équipe. Donc, c'est dire dans quelles difficultés nous sommes. Et derrière, t'as Noël. Bah, un coup, il est là. Un coup, il est pas là. Un coup, il est là. Un coup, il est pas là. Donc, cette année, on peut pas compter sur lui. Il y a ça. Sinon, t'es Thibodeau. Tu continues à faire de la science. Et t'essayes des 5 improbables. Genre là, moi, j'ai un petit 5 que j'aimerais bien essayer. Donc, vous allez me sauter dessus, mais c'est pas grave. Moi, je mettrai Rose en poste 1 quand il reviendra, bien évidemment. Burks en 2 titu. Fournier en 3 titu. Et, ah oui. Et j'ai envie d'essayer. Oui, oui. Attends. Et j'ai envie d'essayer Barrett en 4. Parce que Barrett, on le met partout. Oh, il est... Alors, du coup, tu mets qui en 5? Eh ben, je mets Randle. Parce que Randle, il me vénère à tirer à 3 points. Donc, je le refous à l'intérieur. Et plus il est proche du panier, plus il mettra des points. D'accord. Est-ce que t'as essayé de jouer avec surtout qui pour voir si ça marche? Alors, déjà non. Mais je sais que c'est du scénario. Non, ne faites pas ça chez vous. Ne faites surtout pas ça chez vous. Hein. Mais honnêtement, Barrett en 4. C'est pas une vanne, franchement j'ai serré au moins un petit peu parce que il est calibré comme Tatum, donc après et ça c'est quelque chose que tu peux essayer sur un run sur une séquence match, mais sur un match je sais pas sûr. Séquence, on va voir les match-ups, mais je suis pas persuadé. Autant moi je verrais plutôt par moment une raquette Topin Randle voilà en mode small ball parce que Topin va apporter la finition proche du cercle quand Julius s'écarte, voilà, donc pourquoi pas. Rose en poste 1, moi j'en suis, je milite pour ça, hein. Tant pis pour la seconde unit, mais voilà. Et par contre, non, RJ, je leur verrais plutôt revenir sur un poste 2 avec un Burks en 3, quoi. Mais voilà, du coup, moi j'irais te mettre Fournier sur le banc. C'est Fournier désolé, qui saute du 5 et Kemba aussi, quoi. Et clairement, au moins pour venir sur des schémas de jeu, en fait, pour revenir sur des schémas de jeu qu'on avait un peu plus en main la saison passée. Parce qu'en fait, le déséquilibre est tellement violent entre les titulaires et la seconde unit que là c'est juste pas possible. Tu vas te retrouver sur des matchs, que ce soit l'équipe bis qui termine le match pour aller chercher la victoire parce que nos titulaires sont incapables de sécuriser 15 points d'avance. Au bout d'un moment c'est la blague, ça suffit quoi. Là franchement si ça matche pas avec ce qu'on a recruté, ouais. Il faut recalibrer les rôles c'est revenir aussi sur certaines certitudes. Alors moi ce qui me rassure un peu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est revenu un peu là dans la défense, on a baissé un peu le rythme de jeu. Je trouve que voilà, c'est devenu un peu plus raisonnable et réfléchi dans nos possessions, que l'équipe ressemble un peu plus à ce que j'ai vu l'année dernière et ce qui nous avait permis de faire quelques coups quoi. Donc moi là-dessus, je reviendrai plus sur des certitudes que partir sur de réelles expériences. Après évidemment, on n'avait pas le choix ces derniers temps avec les protocoles Covid où là les 5 complètement basculés d'un match à un autre. On a vu des mecs passer titulaires qu'on voulait voir, on a vu que ça matchait pas du tout. Ouais non, moi je serais plus sur pénaliser ou pas pénaliser parce que c'est pas le mot, mais redéfinir les rôles de Kemba et de Fournier et remettre les joueurs qui ont porté cette équipe là sur l'année dernière. À voir ce que Thibodeau va nous proposer. Il a essayé pas mal de choses, il y a des choses qu'il a pas encore essayé. À voir si tâtonne ou si il essaye de dire bah voilà, on fait confiance au gars. Et oui, il y a un déséquilibre entre le starting 5 et la seconde unit, mais à la au starting five de trouver les solutions par eux-mêmes, quoi. C'est peut-être ça aussi. Trouver comment Thibodeau là sur plus en plus chauve. Ah ben Thibodeau, tu peux en parler, Juju. Tu voulais en parler tout à l'heure. Vas-y, Juju, Thibodeau. Donc tu le trouvais pas très en forme dans ses choix de rotation. Il est pas en forme cette saison. Après, on lui a mis des joueurs, il a donné son aval, il a pas trouvé les solutions. Moi, je serais plus de faire un move en essayant de trouver un meneur vétéran gestionnaire dans le 5 majeur. Dragic. Ouais. Je sais pas si Dragic ferait l'affaire, mais ouais, moi je pensais à, je sais plus si, enfin, tu vois, type un peu comme avait Rolando avec. DJ Augustin. Ouais, c'est sûr qu'avec ce genre de meneur, ça fera pas rêver. On va pas vendre beaucoup de maillots, mais bon, pourquoi pas. Non, mais carrément. Là, aujourd'hui, tu t'en fous d'avoir un meneur qui va te mettre 40 points. Là, c'est pas ce que t'as besoin. Là, t'as besoin d'un meneur qui soit un no-name, qui arrive, qui a aucune prétention, mais qui fasse des minima en défense intéressants, qui soit énergique et surtout qui, justement, ait pas d'ego et qui passe la balle et qui fasse circuler la balle. C'est ça que t'as besoin aujourd'hui. C'est d'un mec qui soit la petite pièce qui arrive un peu comme. Alors, Derrick Rose, c'était la pièce qui nous a permis de huiler le collectif l'année dernière, mais tu vois, tu prends un meneur vétéran qui a déjà sa petite expérience et tout, qui paye pas de mine et sa signature, tu fais oh. Alors les basketics vont dire c'est qui ce blaireau, c'est pas avec ça que tu as les choses payées, mais c'est pas grave. Ce tout le monde connaît DJ Augustin quand même. Il laissera le pas à tout My Team et puis ils empileront les superstars. Moi, ce que je te parle, c'est d'un meneur vétéran gestionnaire. C'est sûr que tu vas sortir Kemba ou autre dans un premier temps, mais c'est histoire, bah, de, comme je vous dis, rehuiler le collectif, que tout le monde autour commence à retrouver ses marques. À partir de là, tu pourras essayer de voir, ajuster des choses et tu pourras peut-être même faire rentrer Kemba sur des séquences quand tu auras besoin d'un scoreur. Tu pourras mettre, tu vois. Mais là, aujourd'hui, ce qui nous manque dans le 5 majeur, c'est faire tourner ses pièces. Parce que la défense, oui, c'est bien gentil et tout, de faire venir un mec ultra défensif au poste 5, mais ça changera rien. Parce que, bah, on aura peut-être plus de rebonds et tout, mais c'est pas ça qui va nous permettre de gagner les matchs. Et aujourd'hui, ce qu'on voit bien, c'est qu'on a empilé des joueurs avec un potentiel offensif, hors Robinson, mais voilà, avec un potentiel offensif, mais qu'il n'y a rien entre eux. C'est comme si tu prenais Touquet, tu prends ton joueur, tu dribbles, t'appuies sur carry, tu fais aucune passe. C'est exactement la même chose. Donc, il faut un mec qui soit un no-name, qui ait l'expérience NBA, qui ait quand même une certaine expérience pour se dire « Non, moi, je panique pas à chaque fois qu'il y a un mec qui met une pression. » Et qui, en même temps, bah, fasse… Tu sais, c'est pas un mec qui va te mettre 15 passes par match. C'est pas ça qu'on a besoin. Mais c'est un mec qui tourne à 5, 6, 7 passes, tranquille, qui met ses 6 points par match. Mmh. Même des fois, sa mission, ça soit de fluidifier le jeu, que ça soit de faire tourner le collectif. La passe def, c'est l'extra passe, c'est-à-dire je suis là, je prends, je me décale, hop, et je lance le rythme. C'est ça qu'on a besoin. Ça. Et ça, aujourd'hui, j'ai pas de profil parce que franchement, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis vraiment que l'Enix et 2-3 équipes vite fait, donc je sais pas qui est disponible sur le marché. Mais on va pas rappeler Elfrid Payton non plus. C'était pas sa qualité première de faire des passes. Hein. Je l'avais en tête. C'est dommage parce qu'on en a raté quelques-uns. Je pense notamment à Patty Mills qui est parti au net et qui aurait fait énormément de Bironix par exemple. C'est ce genre de joueur qui te fait, c'est toujours qui paye pas de mine mais qui en fait, voilà. Alors Eric Gordon a été annoncé parce qu'en plus il s'entend bien. Mais... Voilà, c'est un peu ce genre d'expérience qui va, voilà, qui va pas. Il a fait sa carrière, il vient pas chercher ses minutes, il vient pas chercher son gros contrat, il vient juste chercher son contrat. Il a déjà son contrat. Voilà, et voilà. Ouais. C'est ça qui va te permettre de step up aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui que tu as besoin parce que tu as déjà, tu vas pas fourguer Fournier, personne va le prendre. Tu vas pas fourguer Walker ou si tu as une opportunité, mais voilà. Oh. Donc tu as besoin d'un contrat qui soit pas excessif et d'un joueur qui, juste de son apport, fluidifie tout. Malheureusement, je sais et pas ce qu'il y a sur le nom. Encore, et ce nom, je pense qu'on le donnera au prochain épisode du podcast. Parce qu'on fera un prochain épisode et la trade deadline sera passée et on pourra dire bah voilà, c'est fini, on vous l'avait dit, DJ Augustin. Le joueur dont on rêvait avant la free agency, qui était, on avait mis au lit, mais il a pas, enfin voilà, c'était Chris Paul qui pour moi était le joueur ultime qu'il nous fallait. Enfin voilà, fallait faire plus que casser la tirelire. Hein, mais tu payais cher, mais je pense que son apport était pour RG et pour Julius, c'était parfait. Et voilà, donc aujourd'hui il faut un méga Chris Paul du pauvre, mais voilà, il faut un joueur qui soit dans cette rotation-là, parce que si tu vas chercher encore un poste 5 ultra défensif qui sert à rien ou quoi que ce soit, de toute façon, aujourd'hui, Miles Turner dans l'équipe, il fait quoi? Aujourd'hui, Miles Turner, il fait quoi? Bah, il met des 3 points. Après, c'est voilà, il contre, il met des 3 points. Par contre, en termes de rebond, c'est pas ouf. Encore un mec 5 majeur entre Evan, Kemba, RG et Julius qui va shooter à 3 points. Oh, super. Non, mais on va devenir les Warriors. Mais après, t'auras avec Turner, t'auras un peu plus de certitude qu'avec un Mitch Robinson, et tu peux mettre plus de certitude qu'un Noël, et aussi ça permet de redonner à Gibson le rôle qu'il doit avoir de base dans l'équipe. Tu vas donner Mitch, mais tu vas donner d'autres choses aussi. Ah bah oui. Pour avoir un. Ah bah oui. Après je te dis pas que je mets tout mon intérêt sur Miles Turner, mais qu'est-ce qu'il apporte en tout cas. il y a beaucoup de joueurs, dont lui, qui apporteraient bien plus que ce qu'on a actuellement. Mais moi, en fait, si Turner soit un meilleur joueur que Robinson, moi, il n'y a pas de problème. Ça, tous les jours, je le signe. Mais aujourd'hui, pour récupérer Turner, il n'est pas. Est-ce que ça en vaut le joueur de la chandelle? À voir. Voilà. À voir. Ce que je te dis, c'est que voilà, ce que tu m'as donné pour ça. Turner, pour moi, ça ne sert à rien. Enfin, ou alors, à moins que Indiana veuille vraiment s'en débarrasser et que Knox, une 206 GT et 5 places au Garden College, c'est leur place. Et un doigt en mousse. Et un doigt en mousse, c'est une signature dédicacée de Spike Lee, tu vois, tranquille. Ouais. Non, mais voilà, je pense qu'ils vont être gourmands. Donc, c'est pour ça que ils peuvent peut-être avoir mieux ailleurs, en fait. Ils peuvent peut-être avoir mieux ailleurs aussi. Il y a un petit vétéran qui peut apporter, qui peut fluidifier le jeu, qui aura de l'expérience et qui se fera pas croquer par la pression. Est-ce que Thibodeau a des joueurs qu'il connaît comme ça ou pas? J'en sais pas, parce que Thib, tu vois, il a fait venir Derrick Rose, c'était son gars, c'était une bonne chose. Et Derrick Rose, je vais finir là-dessus, c'est pas avant fin février qu'il revient. Et il a 33, 34 ans, quand tu t'arrêtes pendant deux mois et demi, tu remets pas, t'appuies pas sur non, un. Non, mais faut regarder du côté des Bulls. Kirk Heinrich, il joue encore ou pas? Non, ou sinon Minnesota. Regarde à Minnesota, il y a du monde. Mais ouais, clairement, il faut un poste 1. Ça, on est tous d'accord, gestionnaire. Voilà, bon, il y a John Wall ou Ben Simmons. Oula. Non, je rigole, c'est une vanne, ceci est une blague. Mais il faut un poste 5 aussi, parce qu'il faut de la viande. Il faut de la viande et puis redéfinir les rôles clairement. Parce que tu peux pas donner à Taj Gibson, putain, les 40 minutes de comme tu donnes à Derrick Rose, les 40 minutes. Donc ils tiennent ton équipe, mais c'est pas ça qui va te faire gagner. Il a les blessures de Noël là, en fait, du coup, parce que t'as vraiment aucune rotation. Mais du coup, tu vois, il faut pas que pour avoir un poste 5, il faut pas qu'il te coûte trop cher. Parce que si t'as un poste 5 qui arrive, qui te coûte cher, du coup, tu te retrouves avec les mêmes problématiques. T'as rien changé, t'as un peu fait step up ton poste 5, mais ton jeu n'évoluera pas forcément parce que ton poste 5 aura pas la balle ou parce que ton poste 5, au bout d'un moment, il apportera, c'est pas lui qui va te faire gagner les matchs. Enfin, si demain, on a Joel Embiid, bon, peut-être qu'on réfléchit, tu vois. Non, mais en plus, on n'a plus spécialement de cap, ce qui faisait notre intérêt l'année dernière, mais bon, bah, on a signé plein de joueurs qui font pas le taf, donc là, on est un peu restreint. Quoi. Et là, on est dans une position à la con, c'est-à-dire que t'as tout à fait raison, Alex, pas énormément de cap, on a des joueurs qui nous font pas step up et il n'y a pas un million de solutions sur le marché parce que nos joueurs, bah, en même temps, Fournier a perdu de sa cote. Kemba, les gens ils se disent, bah attends, t'es mignon, mais voilà. Kevin Knox, c'est pas lui qui va nous, enfin, qui il peut pas, c'est pas un joueur qui est hyper bankable. Et ça, et dans le reste, numéro 20, et dans le reste de l'équipe, c'est pas non plus facile. Tu vois, donc on se retrouve et nos tours de draft en plus, comme on n'est pas non plus totalement pété, ils ont pas une valeur de ouf. Ouais, on en a donc, un paquet, mais bon, faut voir ce qu'on en fera. Ouais. On est vraiment dans le pire scénario, mais dans un ventre mou total à tous les niveaux. Donc, et moi je pense qu'il nous manque pas grand chose pour vraiment step up, mais on l'a pas trop. Ouais, bon, et les gars, juste dernier point, dernier tour de table, les gars. Alors, du coup, c'est quoi? C'est play-in, on part sur un play-off push, comment ça se passe? Comment vous voyez? Histoire de clôturer la vision là, de la potentielle fin de saison. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tant qu'on a les Hawks derrière nous, ça va. non, mais ouais, bah, objectif toujours de se qualifier en play-off. Ça devrait passer par le play-in, je pense. Moi, je pense qu'on passera par le play-in cette année. Est-ce qu'on arrivera à se qualifier? À voir. Est-ce qu'il y a quelques équipes qui sont un peu en sur-régime devant nous, genre les Wizards, des choses comme ça? À voir. La saison, on est qu'à la moitié de la saison. Les Cavs, bah, ça tourne pas mal, mais à voir. Il y a eu des surprises, il y a eu des bonnes et des mauvaises surprises en ce début de saison. Les Knicks font plutôt partie des mauvaises surprises. Par contre, on a la chance d'avoir une conférence S qui est relativement dense. On n'est pas complètement largué, donc il va falloir enchaîner des victoires. C'est pas évident. On attend ça depuis le début de la saison, d'enchaîner des victoires. Mais rien n'est impossible. Sinon, la saison dernière, on ne faisait pas plus ces playoffs. Donc, attendons de voir. Mettons pas trop d'espoir sur la trade deadline. Quelques ajustements peut-être, mais vraiment des choses à la marge. Pas des gros noms, ça c'est certain. Et puis, on verra jusqu'où cette équipe nous amène. Hein. On verra jusqu'où cette équipe nous amène. Ouais. Il y a quand même du temps dans l'effectif. Et toi, hein, voilà. Mais il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble. Oui, oui. C'est surtout ça, quoi. Donc, playoff via le play-in pour toi, Joanie. Toi, Alex, du coup, si tu dois te mouiller. J'avais mis 6 en preview, mais bon. Ça peut tenir si recrutement intelligent, mais je comme Joanie, play-in, milieu, voire 9e place, quoi. Donc, ouais, pour moi, play-in. Ouais, ok. Et du coup, toi, Juju? Ouais, moi, je me vois 8-10 si on arrive à garder le bon wagon, parce qu'en fait, là, on n'est pas très loin, mais en même temps, ça peut aller très vite. C'est-à-dire que là, c'est charnière maintenant, parce que t'as quand même un premier trou qui s'est fait en haut. Oui. Là, après, entre la 6e et la 11e, 12e, c'est encore un petit peu, mais il suffit d'un mauvais run pour que les écarts commencent à se creuser. Ça arrive bientôt après avec le All-Star Game et tout. C'est vraiment là que ça va se creuser. Moi, sincèrement, j'espère qu'on va avoir un petit coup encore une fois, pas d'un gros nom, mais d'un petit coup qui peut nous permettre de, comme dirait Rose l'année passée, tu vois, d'un gars hein, ouais. qui arrive à apporter cette fraîcheur et le truc dont tu as besoin pour accrocher ce wagon. Voilà, parce que sinon, je pense que ça risque d'être très compliqué quand même. Parce que, et même en play-in, c'est, je t'ai dit, c'est la pièce en l'air. Parce que si toute ta saison, tu as été très moyen, on l'a vu l'année dernière en play-off, on a été plutôt bon. En play-off, quand ça step up, on a rencontré un mur. Donc, ouais, j'espère vraiment qu'on va avoir un petit move qui va nous permettre de step up. Ça met la pression sur DJ Augustin. Ouais. Francky Vikinas, s'il veut revenir, tu vois. Non. Oula, il fait du sale à Dallas. Ouais, du sale, mais dans le mauvais sens. Non, mais effectivement, moi, je vois le play-in. Ce qui synthétise un peu ce que t'as dit, Joanie, et aussi, Julu, on parlait du fait que l'Est soit homogène et qu'une série peut te remettre d'aplomb. L'équipe qui illustre ça, c'est Toronto, quoi. Qui était vraiment derrière nous il y a une semaine encore. Et là, qui a enchaîné 4 victoires et qui se retrouve à la 7ème place et qui talonne Cleveland, quoi. Donc, oui, je crois au play-in. Il faut absolument qu'il y ait 2-3 petits ajustements parce que si ça clique pas, il faut changer. Pas changer fondamentalement, hein, pas aller chercher non plus hein, qui redéstabilise l'équipe. Dans les joueurs de complément, il y a peut-être encore un petit mouvement à effectuer. Et surtout, alors là, ce serait vraiment le top. Et tu m'as bien convaincu sur le sujet, du coup, Julien. C'est la fausse bonne idée de Kemba. Tu vois, donc moi, j'y croyais fort. Kemba, on a tenté le pari. Bon, c'est un pari qui a pas fonctionné, mais ça reste quand même un joueur qui peut être intéressant par séquence. Mais il faut vraiment gommer ça parce qu'on pensait que le poste 1 allait vraiment être réglé cette saison et on s'est aperçu que non. Et donc oui, il nous faut cette expérience-là au niveau de la main, quoi. Donc je synthétise un peu ce que vous avez dit, mais ça rejoint un peu l'idée que j'avais de cette fin de saison, les gars. Les gars, sur ce, écoutez, je pense qu'on a été plus que complet. Ça faisait 2 mois qu'on était parvenus. Là, on a bien 2 heures de podcast, donc digérez ça tranquillement avant la trade deadline quand même, parce que sinon, voilà. Mais ouais. Ouais, je pense que là, on a pris le temps de revenir en long, large, en travers sur certains dossiers. On aura le temps de compléter tout ça quand on aura les infos ouais. qui vont tomber suite à la trade deadline. Et puis, il y a les réseaux sociaux, il y a le YouTube, il y a tout. Donc, on va continuer d'en parler, oui. de l'actualité, de suivre ça, d'essayer d'être au plus proche de tout ce qui se passe. Mais là, c'était le format long avec notre invité. Finalement, pas si haineux que ça, hein, d'ailleurs. Mais... J'en garde un peu pour ma page. Mais bien sûr. faut essayer d'attirer les gens vers chez moi en étant lisse. Comme ça, après, ils découvrent. Viens. Allez, ouais, je vais être surpris, quoi. en tout cas, un épisode très complet. C'était vraiment un plaisir. On vous donne déjà rendez-vous donc sur YouTube déjà dès lundi. Tous les lundis, et peut-être des fois, de temps en temps, un peu le jeudi, on a mis pas mal de contenu historique, faut qu'on en reproduise un peu d'autres, donc ça va venir. Mais tous les lundis, où on parle de la semaine des Knicks passée et de la semaine des Knicks à venir, et à chaque fois, il y a plein de choses à dire. Donc, venez également nous rejoindre sur KNF TV par Knicks Nation France sur YouTube. C'est la grosse nouveauté de cette saison, faute de mieux. Mais c'est bien cool à suivre, hein. C'est bien cool à suivre, si je peux me permettre. Eh ben, permets-toi. Vous faites de parfaits YouTubeurs, messieurs. Ouais, on est en rodage aussi, on est en rodage. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que dedans, il y a avant tout du plaisir, et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger et partager notre passion et notre vision sur notre équipe de cœur. Vous nous retrouvez également sur Twitter, bien évidemment, sur Facebook, sur Instagram. Voilà, continuez à nous donner beaucoup de soutien, de l'amour, portez-vous bien. Messieurs, écoutez, dernier tour de table, dernier mot de la fin. Donc qui veut commencer, petit mot de la fin, déjà pour notre invité, commençons déjà par l'invité. Merci messieurs pour ce podcast long, large et pas de travers. J'espère qu'on aura un DJ Augustin, effectivement. Ça fait toujours plaisir vu que les boîtes de nuit sont fermées. Mais ouais, on verra, let's go Knicks. Hein, et puis surtout, force à vous pour tout ce que vous faites et continuez messieurs. Toujours un plaisir de vous suivre. Et de partager avec vous, voilà. Merci beaucoup Alex, ça nous touche énormément. Du coup Juju, petit mot de la fin pour toi. Écoute, ça m'a fait bien un plaisir de vous retrouver, et puis voilà, continuez à suivre les Knicks, on espère des victoires dans les prochains matchs, et puis on va suivre tout ça de très près. Et puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur YouTube, mettez le pouce bleu, likez, partagez, abonnez-vous, voilà. En plus, on n'est pas très loin du nombre d'abonnés de, comment il s'appelle lui, attends, je le connais pas, Squeezie, un truc comme ça, là. Bon, voilà. Voilà. C'est assez cool. Ah si seulement. retrouvez-nous à Dubaï. Non, qu'est-ce que je raconte moi suivez l'Enix tout simplement, hein, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, il y a toujours des choses à voir et on vibre même quand ça se passe mal, donc voilà, la saison est pas finie, il va encore se passer pas mal de choses et on sera là pour être derrière l'équipe, peu importe les joueurs qui composent l'équipe, qu'il y ait des DJ ou qu'il n'y ait pas de DJ. Quoi. Très bien, en tout cas pour ma part je tenais à tous vous remercier, merci de nous suivre. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. D'ici là, ben, portez-vous bien. Je renouvelle mes meilleurs voeux à tous et toutes. Et à très bientôt. En tout cas, n'oubliez jamais, Knicks un jour, Knicks toujours. Et on est toujours ensemble, l'équipe. Allez, ciao, bye. Et à très bientôt. Salut, les gars. Ciao. Always will be a New Yorker. Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. Hey.